C'est où justement Dominique, bonsoir. Bonsoir, avec des averses qui vont gagner toutes les régions, avec toujours la possibilité d'un coup de tonnerre la nuit prochaine, minima très doux, 17 à 20 degrés. Et finalement demain les averses vont stagner sur toutes les régions en perdant ceci dit en intensité, température vont stasser un petit peu, 20 à 25 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. La grève demain, les transports ne seront pas les seuls concernés. Les centres commerciaux, les hôpitaux, les administrations communales seront touchés. Il pourrait aussi y avoir des piquets de grève devant Walibi demain. Rester ou sortir de l'Europe? Les Britanniques votent aujourd'hui. Ils sont très nombreux. Certains votent même pour la première fois parce que le sujet les passionne vraiment. Honnêtement, je pense que le camp du maintien dans l'Europe pourrait gagner. Le meurtre de Joe Cox aura un impact sur les électeurs. Ils pensent que le camp du Brexit est responsable, raciste. Vous savez, tous ces grands mots. Si je devais parier, je dirais que c'est le Remain qui va gagner. Mais moi, j'ai voté pour le Brexit. Nous rejoindrons dans un instant notre envoyé spécial à Londres, Olivier Henrion. Savez-vous que vous pouvez faire diminuer votre facture d'électricité? Il faut pour cela choisir le bon fournisseur, bien sûr, mais le bon compteur aussi. À Bruxelles, très peu d'habitants sont équipés d'un compteur bihoraire. Toutes les places vendues par l'UEFA pour le match de dimanche, le match des Diables à Toulouse, sont parties. Ces places sont parties en quelques minutes. En reste-t-il encore? Oui, mais il faut être très vigilant sur les sites en ligne ou au marché noir. Cela ne permet pas toujours de rentrer dans le stade. Le journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonsoir Manu. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Tout d'abord, cette fusillade dans un cinéma en Allemagne. Oui, on n'en sait pas encore énormément à Cyril à l'heure qu'il est, mais on sait juste qu'un homme a tiré et qu'il y aurait des dizaines de blessés. Françoise Walmack. La fusillade aurait fait entre 20 et 50 blessés. Certains journaux locaux parlent aussi de morts, mais la police. Cadet dans le cinéma. On ne sait pas si l'homme a pris des otages. Une source dit que l'homme a pénétré masqué dans le cinéma. Il a tiré en l'air avant de viser des gens. Il portait une arme de poing et une ceinture de munitions. Une unité d'élite de la police est sur les lieux et encercle le cinéma. Selon le quotidien Bild et le magazine allemand Focus, le tireur a été arrêté. Wernheim est une petite ville située près de Mannheim, dans l'ouest de l'Allemagne. Merci François. Si on en sait plus, évidemment, on vous tient au courant. Voyager avec les transports en commun sera compliqué demain. Oui, demain vendredi, la FGTB appelle à la grève générale. Pas de mot d'ordre de la CSC, mais les agents qui débrayent seront couverts. Autant dire que ça s'annonce compliqué dans les bus, les trams, les métros et les trains. Pour les trains, les perturbations commencent d'ailleurs dès ce soir 22h. Mais Delphine Vreux, grève générale, ça veut dire que d'autres secteurs sont concernés, les entreprises privées, les grands magasins par exemple. Alors clairement, la FGTB veut que les grands centres commerciaux restent fermés demain. City 2 par exemple à Bruxelles, Ikea au Nul près de Liège, Cora, Carrefour. À Liège, l'économie sera à l'arrêt, prévient la FGTB. Plusieurs entreprises sont fermées, fermées aussi l'aéroport. Les hôpitaux de Liège, en tout cas, tourneront en service de dimanche. Et plus généralement, n'attendez pas de courrier. Alors, si j'ai besoin de documents d'identité, de passeport, d'autorisation parentale? Alors, désolé de vous le dire, mais il fallait plutôt vous rendre dans les administrations ce jeudi ou alors attendre lundi. Pour les écoles, difficile d'estimer l'ampleur de la grève, mais comme les examens sont terminés ou quasi terminés, l'impact sera fort limité. Alors Delphine, vous avez rencontré plusieurs commerçants indépendants cet après-midi dans les rues de Mons. Comment eux vivent-ils cette nouvelle journée de paralysie? Honnêtement, les avis sont partagés et cela dépend fort de leur profession. Un coiffeur, par exemple, ne voit pas de différence entre un jour de grève et un autre. Par contre, cette dame tient un commerce de chocolat et vous allez l'entendre tout de suite. Vous allez comprendre son point de vue. Ils n'ont rien d'autre à faire qu'embêter les gens. En 1930, je veux bien, on n'avait pas des congés payés, on n'avait rien du tout. On a un gouvernement, mais qu'on les écoute avant de les critiquer. On vous sent exaspéré. Oui, exaspéré parce que ça rime à rien. On est décrédibilisé. Non, comment ça se dit encore? Décrédibilisé. Décrédibilisé. Je suis tellement énervée que je ne trouve pas les mots. Mais ça ne sert à rien. Alors c'est un avis à chacun le sien. Alors, dans certaines entreprises, un conflit interne s'ajoute au mécontentement général. On annonce ainsi des blocages, par exemple, devant Walibi, à Wavre. Blocage de la FGTB qui proteste contre le licenciement d'un délégué syndical. Et le syndicat promet un comité d'accueil devant le parc. La direction n'a pas le même avis, mais en conséquence, elle doit gérer cette grève, plus la menace de blocage. Alors, elle a préféré contacter les écoles qui viennent en voyage scolaire demain. Elles viendront en bus. Si elles viennent, écoutez la porte-parole Marie-France Attenay. C'est compliqué pour elles d'arriver, de perdre éventuellement du temps dans les embouteillages. Et de ce fait, on leur a proposé de soit postposer leur journée, soit d'annuler leur journée avec remboursement de tickets, ou encore de profiter de Bellewaerde. En tout cas, le parc reste ouvert, ça c'est clair et net. C'est clair et net, le parc, ou encore de profiter de Bellewaerde. En tout cas, le parc reste ouvert, ça c'est clair et net. C'est clair et net, le parc tourne à plein régime. Merci Delphine Vreux avec Sonia Boulanger. Une accalmie sur le plan orageux et la Belgique reste en préalerte. Oui, mais jusqu'ici, seule une partie du Hainaut, du Brabant wallon ont vu des trombes d'eau s'abattre sur leur sol avec des grelons gros comme des balles de ping-pong du côté de Charleroi. Averses très localisées et très momentanées. Elles ont aussi touché le nord du pays et les Pays-Bas où un homme est mort foudroyé. Les Britanniques vont-ils quitter l'Union européenne? On le saura demain quand on aura dépouillé tous les votes. 47 millions de Britanniques votent aujourd'hui pour ou contre le maintien dans l'Europe. Les bureaux sont ouverts jusqu'à 23h, heure belge. Et les résultats ne seront pas officiels avant demain matin. Olivier Henrion, vous êtes à Londres. Les derniers sondages donnaient le maintien légèrement gagnant. Nicolas est l'un des premiers électeurs à s'être présenté ce matin dans ce bureau de vote du centre de Londres. Complet gris, cravate rouge, il s'apprête à aller travailler, mais avant, il tenait à voter. C'est la première fois que je viens voter. C'est la première fois que l'enjeu m'intéresse vraiment. Les sondages donnent les deux camps au coude à coude. Le résultat final sera sans doute très serré, mais Nicolas a pourtant déjà une petite idée du vainqueur. Honnêtement, je pense que le camp du maintien dans l'Europe pourrait gagner. Le meurtre de Joe Cox aura un impact sur les électeurs. Ils pensent que le camp du Brexit est responsable, raciste. Vous savez, tous ces grands mots. Si je devais parier, je dirais que c'est raciste. Vous savez, tous ces grands mots. Si je devais parier, je dirais que Quelques instants plus tard, c'est Mona qui sort du bureau de vote, visiblement inquiète par l'enjeu du scrutin. C'est l'une des élections les plus serrées à laquelle j'ai participé. J'espère vraiment que, quel que soit le choix des urnes, cela n'aura pas de conséquences négatives sur notre futur et celle des générations à venir. Les bureaux ferment ce soir à 10h et les premiers résultats ne seront connus que très tard dans la nuit. Alors, comment les entreprises qui travaillent avec la Grande-Bretagne envisagent-elles la suite des opérations si le Brexit, si la sortie de l'Europe devait l'emporter? Avec nous, Yves Legrand, directeur commercial chez Lutosa, une entreprise du groupe McCann. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, votre entreprise emploie 800 personnes, à Leuzon et Hainaut en majorité, mais aussi à Waregem. Vous exportez déjà 85% de votre production. Il s'agit de pommes de terre, de purée, de chips. Est-ce que cette sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Europe, ça vous fait peur? Peur, proprement dit, non. C'est une réalité qui est là, à laquelle nous sommes confrontés. Et nous observons ça de très près, bien entendu, parce que le marché du Royaume-Uni est notre plus grand marché. Peur, non. Concerné, oui. Vous exportez déjà beaucoup de votre production vers des pays étrangers qui ne sont pas en Europe. Absolument. Au global, nous exportons sur 129 pays à aujourd'hui. Est-ce que c'est plus compliqué d'exporter vers des pays non européens que vers des pays européens? Compliqué, c'est-à-dire que l'export vers des destinations communauté européenne, disons, nécessite quand même un know-how et une documentation plus élaborée que l'exportation vers des pays européens. Oui. Est-ce que ça risque de vous coûter de l'argent? Bonne question. Est-ce que ça risque de vous coûter de l'argent? À vrai dire, l'impact que ça aura pour un Brexit éventuel, Ça dépendra aussi qu'est-ce que va faire la livre sterling, comment les cours, les taux de change sont affectés, coûter de l'argent, tout ça, ça dépendra de l'impact de tout ceci sur notre turnover. Ce qui explique que vous êtes attentif à ce qui va se passer, mais pas nécessairement inquiet à l'heure actuelle. Non, pas très inquiet, parce que notre business à aujourd'hui est un business qui va de récolte en récolte. Donc, c'est-à-dire que à chaque récolte, nous renégocions nos prix. Donc, il y a des nouveaux prix qui sont mis en place et qui sont appliqués. Pour cette raison, nous recommençons toutes les campagnes. En même temps aussi, nous essayons de couvrir le taux de change euro par rapport au pound sterling. Donc voilà, tout ça pour essayer de minimiser les risques et pour atténuer la volatilité de notre business. Merci Monsieur Legrand. Je rappelle que vous êtes directeur commercial chez Lutosa, une entreprise de transformation de la pomme de terre située à Leuzen-Hainaut et à Waregem. On vient tout juste de l'apprendre, le tireur qui s'était retranché dans un cinéma en Allemagne a été abattu. On parle de blessés, mais pas de morts dans ce cinéma situé dans la région de Francfort. Le glyphosate, à nouveau au cœur de l'actualité. Oui, on en reparle de ce fameux produit qui est utilisé notamment pour désherber. Sera-t-il un jour ou l'autre interdit? Les experts se déchirent sur sa nocivité. L'Europe se tâte depuis longtemps. Elle demande l'avis d'experts avant de se prononcer. Les États membres ne sont pas tous du même avis non plus. Et à l'intérieur même de la Belgique, ça n'est pas clair. Le gouvernement belge voudrait autoriser le glyphosate. Le gouvernement, lui, plaide pour une interdiction immédiate en ce qui concerne les particuliers et les pouvoirs publics, et il propose d'accompagner les agriculteurs pour leur permettre de se passer de ce produit à l'avenir. Le gouvernement wallon qui aujourd'hui planchait aussi sur les loyers en Wallonie, avec notamment cette obligation à l'avenir d'enregistrer chaque bail entre propriétaires et locataires. Le bail des étudiants est aussi réglementé. Les étudiants pourront par exemple casser un bail et la colocation est aussi reconnue. Une question à 17h12, comment diminuer la facture d'électricité? En examinant d'abord votre dernière facture, c'est en tout cas ce que vous suggère la CREG, la commission qui surveille le marché de l'énergie. Tout s'y retrouve, il faut juste la comprendre, mais c'est un premier pas indispensable pour faire des économies, Patrick Michel. La première démarche, en effet, c'est de comparer les prix entre fournisseurs. Laurent Jacquet, le directeur des prix à la CREG, le confirme, ils peuvent varier du simple au double. Et donc, vous allez sur Internet où vous vous faites éventuellement aider. Et là, avec des modes de calcul qui sont agréés par la CREG, vous avez un résultat, une simulation objective et qui vous montre quel est le fournisseur qui vous convient le mieux. Et puis toujours à l'aide de votre facture, il vous reste à vérifier que votre compteur correspond à votre profil de consommation. En général, le compteur à tarif simple, il est fait pour des petites consommations de 1000-2500 kWh par an et pour des surfaces habitables restreintes, appartements, petites maisons, avec des ménages de 2-3 personnes, voire une personne. Alors le compteur simple reste une réalité pour 3/4 des ménages en région bruxelloise. En Flandre et en Wallonie, par contre, la moitié des ménages ont opté pour un compteur horaire. Là, la consommation doit être un peu plus élevée. On doit être aux alentours de 3500, 4000 kWh par an, voire plus. Et l'idéal, c'est d'avoir au minimum 4000 kWh par an, voire plus. Et l'idéal, c'est d'avoir au minimum ce qui a lieu pendant les heures creuses. Donc consommer plus la soirée, la nuit et le week-end. En résumé, vous l'avez compris, pour être un consommateur gagnant, eh bien, il faut choisir le bon compteur et le bon fournisseur. Mohamed Abrini reste en détention préventive. Mohamed Abrini, c'est l'homme au chapeau et on parle ici évidemment de l'enquête sur les attentats. C'est aussi sur les attentats de Paris d'ailleurs, parce que le belgo-marocain de 30 ans avait déjà été filmé 2 jours avant les attaques de Paris en compagnie de Salah Abdeslam à une station-service près de Compiègne sur l'autoroute en direction de Paris. Il avait été arrêté début avril à Anderlecht, quelques jours après les attaques terroristes de Bruxelles. Mohamed Abrini, c'est donc l'homme au chapeau, le troisième homme vu en compagnie des 2 kamikazes de Zaventem. 5 autres suspects restent en prison pour 1 mois supplémentaire. Quelle soirée hier, Manu. On a gagné. On a gagné. On ne s'en lasse pas. Hein. Les Belges sont en 8e de finale. Ils affronteront donc la Hongrie dimanche. Ce ne sera pas si facile. Les Diables qui s'entraînent en ce moment à Bordeaux, ils sont rentrés hier juste après la victoire. Les 8e de finale, ça commence samedi avec Suisse-Pologne à

jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Et oui, c'est parti jusqu'à 19h, 2h qu'on passe ensemble comme tous les jours. Et c'est déjà la dernière émission de la semaine. Alors oui, car demain, alors même si personne de l'équipe de cette émission fera la grève, mais nous n'aurons pas la possibilité d'assurer l'émission normalement demain après-midi. Et donc ce 5 à 7 aujourd'hui aura déjà un petit goût de week-end. Il fait chaud, très chaud aujourd'hui, même trop chaud visiblement pour nos routes. Un soulèvement de chaussée a eu lieu sur la N4 à Sinet vers Bruxelles. Alors ça a surpris pas mal d'automobilistes et depuis cet après-midi, plus de 8 véhicules ont été accidentés à cet endroit. Alors comment se fait-il que les routes se soulèvent en Belgique dès qu'il fait un peu plus chaud, que le goudron fond dès qu'il y a un petit peu de soleil? On s'y intéresse dans un instant. Aujourd'hui, on en parlait encore dans le journal, les Britanniques sont appelés à donner leur avis, Brexit ou pas, nous le saurons demain matin ou dans la fin de la soirée. Alors ce référendum n'est pas contraignant, ça veut dire que le gouvernement britannique n'a aucune obligation théorique à suivre l'avis de la population, mais ils le feront quand même. Alors on essaie d'y voir un peu plus clair dans un instant. Avec la météo du jour, vous avez peut-être rapidement acheté des vêtements légers. C'est le genre de choses qu'on fait quand il fait beau, qu'on s'y attend pas spécialement. Mais ces vêtements, faut-il les laver avant de les porter? C'est la question qui est dans l'actu aujourd'hui. Nous aurons une réponse tout à l'heure avec une dermatologue. Et comme c'est donc la dernière émission avant le week-end à cause de la grève de demain, et que nous sommes obligés de suivre cette grève, on parlera déjà du bon plan sorti en famille du week-end. Les journées fermes ouvertes, c'est ce week-end. On fera le tour de ce que vous pourrez découvrir lors de cette 20e édition. Et j'aurai tout à l'heure des cadeaux à vous offrir, avec entre autres un magnifique panier avec des produits de la ferme à gagner. Restez bien là. Il fait chaud, il fait très chaud aujourd'hui et je vous demande par SMS de me dire si vous avez des astuces pour vous rafraîchir. Quelle est la petite chose que vous faites quand il fait plus de 30 degrés à l'extérieur comme aujourd'hui, qu'il peut faire très chaud, 29 degrés comme dans ce studio. Il fait bon, hein, Manu, on peut le dire. On n'a pas froid, on va pas le dire. C'est quoi votre truc, vous, pour vous rafraîchir? Est-ce que vous avez une astuce? Par exemple, moi, le truc qui me rafraîchit le plus, c'est un petit Perrier Menthe. Avec ça, je trouve que ça rafraîchit. Et ouvrir le frigo, ça marche pas, ça, et se ouvrir mettre le dedans. Frigo. Ah ouais, c'est pas super écolo, mais on peut essayer ça. 3063 par SMS, si vous avez une idée, si vous avez une astuce, quand il fait chaud, vous faites quoi pour vous sentir mieux, pour vous rafraîchir? On fait le tour de vos messages dans un instant. Alors cette chaleur, elle a un impact sur les routes. On apprend cet après-midi qu'il y a un soulèvement de chaussée sur la Nationale 4 à Sinet vers Bruxelles, que ça a surpris pas mal d'automobilistes cet après-midi et que plus de 8 véhicules sont accidentés. La chaussée a été fermée à hauteur de Pessoux vers Bruxelles pour permettre de réparer cette chaussée. Il y a une déviation qui a été mise en place. On refait un point RTBF Mobile Info dans une dizaine de minutes d'ailleurs. Mais comment se fait-il que dès qu'il fait un peu plus chaud, les routes se soulèvent, que le goudron fond? On va se poser la question avec Nicolas Buguin. Vous êtes responsable de la communication de la société de construction Wanty. Et je précise déjà que vous n'avez rien à voir avec les travaux qui ont été faits sur la N4 et le soulèvement de ce chaussée là-bas. C'est pas vous qui avez travaillé sur place, Nicolas, hein? Non, bonjour Cyril. Non, effectivement, on n'a pas, en tout cas nous, sur nos chantiers, rencontré de problèmes aujourd'hui. Mais l'explication, en fait, est très simple. Ça arrive donc obligatoirement sur des routes qui sont faites en boucle. Ça arrive donc obligatoirement sur des routes qui sont faites en boucle tarmac. C'est le béton en dessous qui se dilate dès que la température augmente et donc qui peut soulever ou faire soulever le tarmac. La solution, c'est de réaliser des joints. Et on le fait pas ça en Belgique? Eh bien parce que malheureusement le béton, s'il se dilate quand il fait chaud, il se rétracte, il se contracte quand il fait froid, et donc il faut toujours trouver le bon milieu pour ne pas qu'il y ait des trous en hiver et ne pas qu'il se soulève en été. Et donc voilà, il faut toujours essayer de jouer, de trouver le juste milieu. Mais visiblement, il n'est pas trouvé partout. Voilà, malheureusement, comme ça a été le cas à Sinet. Et puis, si ça se soulève, malheureusement, il n'y a qu'une seule solution, c'est il faut raboter, il faut recommencer, parce qu'il faut, il faut refaire un nouveau béton. Ça n'arrive pas non plus quand le béton est ferraillé, est totalement ferraillé. Donc on essaye de plus en plus de faire des routes avec un béton armé. Ouais. Ça arrive uniquement quand ce sont des plaques de béton, donc les plaques qui sont mises les unes à la suite des autres. Et donc voilà, là, il faut jouer, il faut avec la maîtrise, avec l'expérience, il faut essayer de trouver le juste milieu pour les joints, pour essayer que ça ne s'affaisse pas en hiver et que ça ne se soulève pas en été. Mais Nicolas, si la solution, oui, c'est de ferrailler ce béton, pourquoi est-ce qu'on le fait pas? On vous demande parfois, pour des questions de budget, de ne pas le ferrailler. C'est toujours une question de budget, forcément. Et comme vous, voilà, je pense que maintenant vous pouvez vous balader un petit peu dans n'importe quelle ville ou quel village, les routes sont pas dans des super bons états. Parce que une route, ça s'entretient, c'est comme une maison, et malheureusement les communes doivent réduire un peu les budgets, les entretiens des routes ne se font plus assez régulièrement, et c'est vrai que c'est un des gros problèmes de la Belgique pour le moment. Des plans sont mis en place, heureusement, par le gouvernement. Normalement, des nouveaux budgets devraient arriver dans les prochaines années pour pouvoir refaire nos routes. Je pense que c'est important pour la Belgique que ces budgets arrivent très, très vite. Alors là, c'est pour les routes qui soulèvent, le goudron qui fond. Il y a aussi une solution dans d'autres pays. Comment ça se passe? Parce que je pense à des pays qui sont un peu plus au sud par rapport à nous. Prenons simplement la France, le sud de la France, avec l'euro en ce moment. Les routes ne fondent pas autour de Nice. Non, mais c'est toujours le problème. Voilà, en Belgique, on peut descendre sous des températures très basses, et donc ce sont pas les mêmes alliages qui sont mis à Nice ou qui sont mis, au pôle Nord. Donc il faut trouver le bon dosage entre des routes qui résistent au gel et des routes qui résistent à des chaleurs plus importantes. Et la situation géographique de la Belgique fait qu'on peut avoir du moins 20 comme on peut avoir du 40, et ce qui n'arrive pas forcément partout ailleurs. Voilà, et ce qui n'aide pas du coup à avoir des routes qui tiennent qui tiennent la route justement sur la durée et en fonction de toutes les températures. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces explications, on y voit un petit peu plus clair, même si on ne sait rien y faire dans l'immédiat, au moins on sait pourquoi, c'est déjà ça. Ça permet d'en discuter dans la voiture peut-être si on est dans les bouchons à cause de ça. Merci Nicolas, je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, il est 17h26, j'ai des cadeaux à vous offrir. Vous allez pouvoir ce week-end vous balader dans les fermes de Wallonie, c'est les journées fermes ouvertes, c'est 25 et 26 juin. Ce samedi et ce dimanche, vous irez visiter les 70 fermes qui ouvrent grandes leurs portes pour vous faire découvrir leur quotidien, tout ce qu'il y a à l'intérieur, les machines, les bêtes, et puis les produits aussi qui sont produits, et justement ces produits je vous les offre dans un panier de produits de la ferme grâce à l'APACW. D'ailleurs c'est sur apacw.be que vous retrouverez toutes les infos qui concernent ces journées fermes ouvertes. Pour repartir avec ce cadeau, il va falloir répondre à une question, je vous la pose. C'est donc durant deux jours, c'est 25 et 26 juin, pas moins de 75 fermes au total qui vous ouvriront leurs portes pour un moment de détente, de découverte et de quoi? Il y a autre chose en plus, de dégustation, d'expérimentation ou d'hibernation. C'est facile aujourd'hui, c'est cadeau. Si vous avez une idée, vous envoyez simplement votre réponse par SMS avec le code FERME, juste avant, FERME et votre réponse, au 6003 pour 75 centimes, le message. Donc ces journées, moment de détente, de découverte et de dégustation, d'expérimentation ou d'hibernation, je vous souhaite bonne chance. Athénée Maurice Destenay, le meilleur choix pour les études. Tous les types d'enseignement, de l'immersion en anglais et un apprentissage moderne avec entre autres tablettes et tableaux interactifs. Athénée Maurice Destenay, désormais 3 implantations avec un premier degré sur le site EC Carré près de la Médiacité. Ça bouge à Destenay. Info 04 343 04 28. Portes ouvertes les 25 et 26 juin à l'école d'horticulture de Liège. Présentation du lagunage éco-durable, les plantes et la santé, démonstration d'empotage, d'élagage et d'art floral. Exposition et travaux réalisés par les élèves. Nouveau, au 1er septembre, ouverture de la section arboriste grimpeur et lagueur. Renseignements et inscriptions, école d'horticulture de Liège, rue de l'Espérance. Exigez l'excellence. Portez chacun au sommet de ses compétences. Quelles que soient les options et les orientations, c'est la volonté de l'Athénée Royal de Soumagne. Les options et les orientations, c'est la volonté de l'Athénée Royal de Soumagne. Général, technique et professionnel de l'Athénée Royal de Soumagne, rendez-vous sur athénée-soumagne.be. Athénée Royal de Soumagne, l'humain au cœur de l'enseignement. Vivacité présente, essayez plutôt la ville à vélo. Visitez l'expo Cité Cyclo au musée des transports à Liège du 28 mai au 30 novembre. Plus d'infos, www.musée-transport-avec-s.be. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, le Commissariat Général au Tourisme et le Tech. Je suis en train de découvrir les conditions soldes des meubles Rigaud avisés. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les petites remises qu'ils vous préparent. Meubles Rigaud. Ah non, désolé, je peux pas vous en dire plus à la radio avant le 1er juillet. Mais peut-être qu'en passant avisé. Crème solaire ? Check. Enfant ? Check. GPS. Je viens juste d'acheter le nouveau TomTom. Allons explorer toutes les routes d'Europe et ça sans frais de roaming. Oh, la route est à nous maintenant. Ah, je me sens coupable. Magique, je sens déjà le vent souffler dans mes cheveux. Ok, je remonte la vitre. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Rendez-vous chez Krefel et découvrez la sensation TomTom avec l'infotrafic en temps réel. Cet été, profitez en famille des meilleurs parcs d'attractions avec des entrées gratuites dans vos journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair, La Capitale et Le Soir. Chaque samedi, une entrée gratuite à l'achat d'une entrée achetée dans un parc d'attractions. Réservez vite votre journal et amusez-vous tout l'été grâce aux journaux Sud-Presse et Le Soir. Les 25 heures VWay Pick Up, la course d'endurance la plus fun au monde. Avec plus de 100 voitures au départ, une ambiance unique et en exclusivité mondiale, la possibilité de vivre la course en tant que passager en biplace. Vivez cet événement familial le week-end des 9 et 10 juillet sur le circuit de Francorchamps. Entrée offerte sur le site de l'organisateur Chronos Events. Avec la 2 et Vivacité. À 7h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. L'homme qui s'était retranché avec une arme dans un cinéma près de Francfort en Allemagne a été abattu par la police. C'est en tout cas ce que déclarent les médias allemands. Un plan d'urgence a été déclenché sur place. L'homme armé est entré dans le cinéma sur le coup de 15h. Il a tiré apparemment à 4 reprises. On parle de blessés. Certaines sources font état de 20 à 50 blessés, mais il pourrait s'agir de personnes blessées à cause des gaz lacrymogènes. En Grande-Bretagne, le vote aujourd'hui pour le In, rester dans l'Europe, ou le out, sortir de l'Europe. On annonce maintenant une courte victoire du in, mais ça reste des sondages. Une chose est sûre, en tout cas, les Anglais, les Gallois, les Écossais et les Irlandais se sont mobilisés. Les bureaux sont ouverts jusqu'à 23h, heure belge. Demain, la grève générale chez nous. De gros soucis à prévoir dans les transports en commun, train, tram, bus, métro. La FGTB qui appelle à la grève annonce aussi des piquets devant les entreprises privées, les grands centres commerciaux. Les administrations seront aussi très perturbées, comme vos programmes radio préférés d'ailleurs. Et oui, nous sommes obligés demain de perturber toute la grille des programmes et d'annuler toutes les émissions. Merci Manu, on vous retrouve tout à l'heure à 18h. Un petit point sur la météo, Dominique. Avec des averses qui vont gagner toutes les régions, la nuit prochaine, toujours cette possibilité d'un coup de tonnerre, à minima très doux, 17 à 20 degrés. Demain, finalement, les averses vont stagner sur toutes les régions. Elles vont perdre un petit peu d'intensité quand même. Et les températures vont se tasser. 20 degrés à la mer, 21-22 degrés en Ardennes, 23-24 dans le centre et jusqu'à 25 degrés en Gaume. Samedi et dimanche, on devrait connaître un temps progressivement sec et un rien moins chaud, 19 à 22 degrés samedi jusqu'à 24 degrés dimanche. Merci Dominique. On part sur les routes où c'est compliqué cet après-midi. Anne-Michel Vloubert, comment ça se passe ? Eh bien, on a toujours des soucis sur la Nationale 4, Luxembourg-Bruxelles, hauteur de Ciné. La chaussée est fermée suite à un soulèvement de chaussée qui a provoqué pas mal d'accidents à cet endroit. La chaussée est même fermée pour le moment à hauteur de Pessou en direction de Bruxelles. Surtout n'empruntez pas la Nationale 4 et continuez via le 411. Donc si vous venez du Luxembourg en direction de Bruxelles, la chaussée sera fermée jusque demain. Une déviation est mise en place également via la Nationale 938, 921 et la Nationale 97 un petit peu plus loin. On a également un soulèvement de chaussée sur cette même Nationale à hauteur d'Arcin. C'est la bande droite qui est détériorée. Donc soyez très prudents et vigilants en direction de Namur. On a toujours les suites de ce camion sur le flanc sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur de Bautersem, passage difficile, circulation ralentie en direction de Bruxelles. Sur le ring de Bruxelles, en circulation intérieure, accident peu avant Zaventem, la bande du milieu est neutralisée en direction de Waterloo. Vous pouvez rajouter une quarantaine de minutes supplémentaires en intérieur, Grand Bigard, Zaventem, ralentissement habituel d'après notre motard d'Europe, assistance dans la capitale. Et puis on a un véhicule en panne à Bruxelles dans le tunnel Léopold II, juste avant la sortie 5 Telettes. La bande droite est encombrée en direction de Kuckelberg. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. 5 à 7 sur Vivacité. contraignant. Ça veut dire que le gouvernement britannique n'a pas obligation de suivre l'avis de la population, mais ils se sont engagés à le faire. Alors on essaiera de voir un peu plus clair dans cette histoire dans un instant sur Vivacité dans le 5 à 7. À propos de vos vêtements, aujourd'hui vous avez peut-être rapidement acheté des vêtements légers, vous étiez parti avec quelque chose de plus chaud ce matin, vous êtes changé pendant la journée. Et bien il y a cette question dans l'actualité aujourd'hui, faut-il vraiment laver ces nouveaux vêtements avant de les porter? Une dermatologue sera avec nous dans un instant pour nous en parler. Et puis aujourd'hui, il fait chaud, il fait même très très très chaud. Il y a d'ailleurs cette chanson qui nous le rappelle. Il fait chaud. Bien belle chanson de Patrick Sébastien. Et je vous demande cet après-midi au 3063 de me dire si vous avez des astuces, vous, pour vous sentir mieux quand il fait chaud. Alors, il y a justement un message qui est arrivé de Lio qui me dit « Cyril, chaud, chaud, chaud, s'il y a une astuce, je prends. Actuellement, 43 degrés dans ma friterie. Bon courage à ceux qui, comme moi, n'ont pas la clim. » Mais courage, Lio, et courage à tous ceux qui sont dans ce cas-là. Effectivement, 43 degrés, c'est bien chaud. Il y a Philippe qui nous dit « Se rincer le visage et le cou régulièrement à l'eau froide. » Et un autre conseil de Monique Dauphin, qui nous dit bonjour, mettre un essuie-coton mouillé autour du cou. C'est en France qu'on m'a donné cette astuce. Bisous. Bah Monique, on va essayer. Si vous avez un essuie en coton autour de vous, bah dites-nous si ça marche. Si vous avez d'autres astuces, les petits trucs que vous faites quand vous vous sentez mal avec la chaleur, vous avez envie de vous rafraîchir, vous me le dites par SMS au 3063. Partie plongée, la bonbonne d'oxygène vous tombe sur l'orteil? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. Europassistance.be, you live, we care. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh. Le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. Oh. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Vivacité présente le temps des guinguettes au domaine provincial de Chevetogne. Venez vivre les plaisirs simples d'une fête populaire à l'ancienne. Guinguettes, musique, danse, jeux, théâtre de rue, joutes nautiques, marché du terroir. Les samedis 25 et dimanche 26 juin dès 11h. Info sur domaine-de-chevetogne.be. Avec votre journal 7 dimanches et la bière La Chevetogne. Actuellement chez Casa, un banc en bois d'acacia à 49 euros seulement. Découvrez le nouveau dépliant sur casashops.com. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Avec le Gaël de juillet, découvrez les robes les plus désirables de l'été, les meilleures lectures pour éveiller votre volupté et le supplément gratuit Gaël à la mer. À vous les activités, les restos et le shopping stylé de La Panne à Knokke-Lezout. Gaël, vous avez tout pour vous. Du 6 au 25 juin, c'est les prix Qualité Pro spécial rénovation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, le revêtement de sol stratifié, épaisseur 7 mm, coloris peint gris, facile à poser grâce à son système clipsable et garantie 10 ans. Stratifié, épaisseur 7 mm, coloris peint gris, facile à poser grâce à son système clipsable et garantie 10 ans. Venez faire le plein de soldes ce week-end dans plus de 100 magasins au Shopping Center Knoll. Et en plus des soldes, il y a plein d'animations foot durant tout le week-end. Génial! Shopping Center Knoll. À 10 minutes de Bastogne et Schmid à 10 minutes de Vilsalm. 17h, 19h, 5 à 7. Vivacité. Bienvenue si vous arrivez à l'instant sur Vivacité. Je vous rappelle qu'il y a des cadeaux à gagner cet après-midi. Si vous voulez repartir avec un panier de la ferme, des paniers des produits de la ferme à l'occasion des journées fermes ouvertes 2016 qui auront lieu ces 25 et 26 juin, il faut vous inscrire maintenant avec cette question et la réponse que vous devez m'envoyer. Il y a 75 fermes qui vous ouvrent leurs portes ce week-end pour un moment de détente, de découverte et de quoi d'autre? De dégustation, d'expérimentation ou d'hibernation. Si vous avez une idée, 6003, vous m'envoyez le code ferme et la réponse pour 75 centimes. Le message, bonne chance. On va parler de sport avec vous, Jérôme Elguers. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cyril. Alors aujourd'hui, pas de petite gazette de l'Euro, mais un focus sur le futur adversaire des Diables en 8e de finale. Ce sera dimanche à 21h à Toulouse. Et pour rappel, si vous émergez de la fête d'hier parce que vous avez nocé toute la nuit pour fêter la victoire des Diables, peut-être ne vous souvenez-vous plus de qui sera l'adversaire des Belges. Message privé à mon beau-frère qui était dans le cas hier soir. Salut à lui. Les Diables joueront donc contre la Hongrie. Elle a terminé première du groupe F après son match connu la rebondissement face au Portugal. Alors la Hongrie, on en parle depuis le début de l'Euro par l'intermédiaire de Gábor Király, le fantasque gardien, l'homme au training ou au pyjama, c'est selon. À 40 ans, il est le plus vieux joueur de cet Euro. Drôle et sympathique, mais pas transcendant non plus. Mais ce n'est pas que ça. La Hongrie, c'est une victoire et deux nuls dans cet Euro. Une sélection composée quasi exclusivement de joueurs évoluant dans leur propre championnat. En Hongrie donc, un championnat qui s'est terminé fin avril. Les joueurs sont donc logiquement plus frais. Eh ben, on verra ça. Avant cet Euro, en tout cas, c'était un petit pousset, mais en fait, la Hongrie a un plus beau palmarès que la Belgique. Ben oui, ça remonte déjà à quelques années, donc on ne s'en souvient pas forcément, ou certains l'ignorent carrément, mais la Hongrie a joué deux finales de Coupe du Monde en 1938 et 1954. C'est une terre d'attaquants, des joueurs offensifs, on se souvient notamment de Ferenc Puskás, mais la Hongrie actuelle n'est pas non plus celle du passé. 14 buts marqués en 12 matchs de qualification pour cet Euro. Elle a décroché d'ailleurs sa qualification en barrage face à la Norvège. Depuis les années Puskás, bien pas grand-chose. La dernière participation de la Hongrie à un grand tournoi, ça remonte tout de même à la Coupe du Monde 1986. Et comment est-ce qu'on explique alors que l'équipe actuelle parvient à se qualifier et même aller en huitième de finale de l'Euro ? Mais d'abord, grâce à la réforme de l'Euro, on est passé de 16 pays qualifiés à 24. Il y a donc 8 places de plus, ça augmente les chances de qualification forcément. Mais il y a surtout eu un renouveau en Hongrie. Grand fan de foot, le Premier ministre Viktor Orban a massivement investi dans le football. À simple exemple, il a créé un stade de 3000 places dans une ville de 2000 habitants à Felcsút. Donc 3000 places pour une ville de 2000 habitants, c'est un peu... C'est trop grand. C'est ambitieux. Oui, et à mon avis, ils font venir des gens d'un peu plus loin que ce village-là. Il a prévu un baby-boom. Oui, sans doute. C'est possible aussi. Ah, il est malin, alors il voit loin. Hein. Le nouveau foot hongrois ressemble aussi assez fort au foot allemand, avec une grosse organisation défensive. Et puis on repart vers l'avant. Le sélectionneur hongrois est d'ailleurs allemand. Bernd Storck. Et puis la Hongrie est évidemment folle avec ses bons résultats de l'équipe nationale. Le pays est en liesse et les Hongrois mettent pas mal d'ambiance dans les stades. Au total, bien 45 000 Hongrois vont faire le déplacement en France pendant l'Euro. Forcément, quand on est fort soutenu, c'est aussi le cas des Diables, hein, ça aide à mieux jouer. Alors voilà pour la Hongrie, Cyril. Et pour terminer, je vous ai apporté une petite douceur, une sucrerie. Je vais vous faire écouter quelque chose. Ce n'est pas un animal égorgé. Non, c'est bien moins gore. Écoutez le commentaire du journaliste islandais quand son équipe a marqué le but de la victoire et de la qualification hier à la dernière minute du match. On écoute. Qu'est-ce qui lui prend ? C'est long. Il faut savoir que comme la Hongrie, pour l'Islande, c'est historique de se qualifier pour les huitièmes de finale, donc il y avait de quoi s'emballer. Mais ça fait peur. Ce qui est assez drôle, c'est que les commentaires comme ça, assez fous, c'est une spécialité sud-américaine. C'est souvent les Sud-Américains qui commentent comme ça. Ben voilà, l'Islande, c'est beaucoup plus au nord et on le fait aussi. Et il fait quoi ? Il fait ma comme ça ? Ça veut dire je crois qu'il crie goal ou but en islandais. Mais ça doit être ça. Ça doit être ça. Hein. Ah bah, en tout cas, il est très content. Ouais. Et il a mal en même temps, visiblement. Il y a une histoire de douleur quand même là derrière. On suivra ce qu'il racontera au huitième de finale contre l'Angleterre. On verra ça. Mais contre c'est eux qu'on va si on gagne, c'est eux qu'on non, va. Pas encore. L'Islande, ce sera en finale. Ah oui, ça c'est l'Irlande. Oui, c'est l'Irlande. C'est presque le même. À une lettre près, voilà, on peut confondre. Merci Jérôme. À tout à l'heure pour le journal des sports. Il est 17h42. 5 à 7. On va s'intéresser à un référendum dont on parle beaucoup en ce moment. On saura ce soir ou demain matin si la Grande-Bretagne sort ou pas de l'Union européenne, le fameux Brexit. On va se poser une question quand même, parce que la configuration est assez particulière en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que le référendum n'est pas contraignant, c'est-à-dire que le gouvernement britannique a le droit, s'il veut, de ne pas écouter l'avis de la population. Sauf qu'ils se sont engagés à ne pas le faire. C'est assez particulier comme situation. On va en parler avec Pierre Vercotteron. Vous êtes politologue et vous enseignez à l'UCL à Mons. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. C'est particulier cette configuration référendum pas obligatoire. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a chez nous, sauf que le référendum n'existe pas réellement chez nous. Effectivement, dans la Constitution, le référendum n'est pas prévu. Et il est vrai que quand on s'y est essayé à une forme de référendum, c'était à l'époque de la crise de la question royale, eh bien, ça avait presque dégénéré de manière assez grave, non seulement sur le plan politique, mais également dans des fortes tensions entre le nord et le sud du pays, et on a préféré surtout ne pas réintroduire cette disposition. En ce qui concerne le Royaume-Uni, effectivement, quand on regarde un petit peu les différentes formes de référendums qui existent en Europe notamment, il y a des référendums qui sont contraignants. C'est le cas, par exemple, de l'Irlande et des référendums qui sont consultatifs. C'est le cas du Royaume-Uni. Mmh. Cela étant, nous devons faire une distinction entre la dimension juridique, c'est contraignant ou ça ne l'est pas, et la dimension politique. Lorsque David Cameron a lancé l'idée de ce référendum, il s'est engagé à en respecter le résultat. Autrement dit, il serait politiquement suicidaire pour lui de ne pas tenir compte de ce référendum au cas, par exemple, où la majorité des électeurs britanniques se prononce en faveur du Brexit. Est-ce qu'il pourrait quand même prendre une décision, même si c'est un suicide politique, mais est-ce qu'il se pourrait quand même que pour des raisons politiques, au final, il décide de ne pas suivre cet avis ? Ou ça, c'est totalement impensable ? Je pense que c'est impensable, non seulement parce que c'est risqué sur le plan politique, mais il risque même de se faire tout simplement pousser dehors de la fonction de Premier ministre par son propre parti. N'oublions pas que la campagne référendaire du Brexit est extrêmement clivante au sein de l'opinion publique britannique et jusque y compris au sein même des deux principales formations, le Parti conservateur d'un côté et le Parti travailliste de l'autre. Autrement dit, il ne trouverait même plus une majorité au sein de son propre parti pour le soutenir dans la fonction de Premier ministre. Alors si au final, quoi qu'il arrive, le gouvernement britannique écoutera l'avis de la population, pourquoi pas simplement rendre le référendum contraignant ? Parce que modifier la Constitution en Grande-Bretagne est une chose extrêmement difficile. D'autre part, je pense que l'opinion publique n'est sans doute pas prête à cet égard. Il y a déjà eu un référendum dans l'histoire du Royaume-Uni sur son adhésion au marché commun. C'était peu de temps après son adhésion au début des années 70. À ce moment-là, une majorité s'était prononcée en faveur, mais sans grand enthousiasme, de cette adhésion. Cette fois-ci, les conditions sont beaucoup plus violentes. La campagne a été extrêmement dure. Sans doute qu'on ne va pas trop toucher à ce genre de questions. N'oublions pas non plus que le Royaume-Uni est en train de vivre son deuxième référendum coup sur coup. Il y a eu celui sur l'Écosse et puis maintenant sur l'adhésion, le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Sans doute que le débat sur la modification de ces dispositions ne sera pas à l'ordre du jour. Eh bien, merci beaucoup Pierre Vercotteren pour vos explications et on saura dans la soirée ou demain matin ce qu'il en est de ce fameux Brexit. Merci et bonne soirée, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. 17h46, on fait une toute petite pause dans ce 5 à 7 et puis on s'intéresse à vos vêtements. Vous en avez peut-être acheté des plus légers que ce que vous aviez prévu aujourd'hui pour contrer la chaleur quand même, plus de 30 degrés aujourd'hui. Faut-il laver ces nouveaux vêtements avant de les porter ? C'est une question dans l'actualité aujourd'hui. La réponse d'une dermatologue dans un instant. Grande braderie de Warem, c'est 24, 25 et 26 juin, vendredi dès 15h, samedi et dimanche dès 10h, avec concerts, défilés de mode, blind test, Jack Mouth et ses flaeux, djembé, zumba et le beach volley de Warem les 3 jours. Faites le plein d'animations et de bonnes affaires à la braderie de Warem. Navette et parking gratuit au départ du collège Saint-Louis. Bienvenue à tous. Envie d'une coloration dans le respect du cheveu ? Espace Eleven à Herve vous propose les colorations et mèches à base de produits sans ammoniac. Espace Eleven, Outrecours 24 à Herve. Créons ensemble de l'émotion. Le commerce autrement. Localisie.com. Localisie.com. Le rendez-vous dominical par excellence, c'est la Batte. Alors ne manquez pas celle de ce 26 juin, car la Batte passe la Meuse pour s'étendre rive droite au milieu de 300 brocanteurs. Et par-dessus le marché, vous profiterez de prix fous chez les commerçants d'Outre-Meuse. Encore une bonne idée de l'échevinat du commerce de la ville de Liège. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Bonjour, ici Frédéric François. Je vous attends sur le Beau Vélo de Ravel ce 25 juin à la Calamine. Je partagerai la scène avec Marina Kaye et Axel Red. À samedi, les amis, sur Vivacité. Le Showcase du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 25 juin à la Calamine. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. En juin, profitez des Summer Deals chez Toyota. Super remise sur toute la gamme, plus extra remise sur une sélection de véhicules de stock. Les Summer Deals avec double remise, c'est maintenant chez Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Vivacité La Une présente les médiévales de la citadelle de Namur, les 2 et 3 juillet. Vivez le Moyen-Âge. Spectacle féerique, création inédite, artistes de toute l'Europe. www.citadelle.namur.be. Une organisation du comité animation citadelle avec la ville de Namur et le CGT. Des conseils appétissants pour faire du pain et des desserts, surfez sur magasinavv.be. AVV, tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans un instant, le cactus de Jérôme de Warzé, restez bien dans le coin. Et puis on va s'intéresser à une question cet après-midi. Faut-il vraiment laver ses nouveaux vêtements avant de les porter? Elle est posée dans la presse aujourd'hui. Et Lara El-Layederi, vous êtes dermatologue au CHU de Liège pour nous en parler. Alors aujourd'hui justement, on a peut-être acheté vite fait un vêtement parce qu'il faisait un petit peu chaud, on a acheté un truc plus léger. Faut-il le laver tout de suite avant de le porter? Bonsoir Lara. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Ce vêtement qu'on achète parce qu'il fait un peu chaud, on veut sentir mieux, on achète un truc plus léger, est-ce qu'il faut le laver avant de le porter ou pas? Alors oui, c'est vraiment essentiel, surtout de nos jours avec les boutiques bon marché. Je pense que c'est essentiel de nettoyer les vêtements avant de les porter pour plusieurs raisons, oui. Dites-nous pourquoi alors? Qu'est-ce qui fait qu'on doit absolument les laver, que c'est important? Alors actuellement dans les vêtements, on met beaucoup de colorants, beaucoup de fixateurs, donc il y a beaucoup de produits chimiques qui sont mis dans les vêtements. Et donc du coup, avec la transpiration, l'humidité, les fixateurs et les produits chimiques peuvent créer une réaction qui n'est pas bonne pour la peau et avec éventuellement des effets procancérigènes. Est-ce que quand ils sont fabriqués ces vêtements, ils sont lavés une première fois ou pas du tout? Non, pas forcément. Ils font des tests sur un ou l'autre vêtement et une fois que le test est fait, alors tout le reste de la fabrication n'est pas forcément lavé. Il y a des rinçages, mais c'est des rinçages pour les fixateurs, mais qui sont pas évidemment à température adéquate. Alors, il fait super chaud comme aujourd'hui. On avait prévu, j'en sais rien moi, une petite chemise et puis finalement on est un peu chaud avec ça. On achète un petit t-shirt, on n'a pas l'occasion de le laver. On risque quoi dans l'immédiat? Ça peut aller jusqu'où de porter un vêtement pas lavé une première fois? Bon, bah, y a évidemment le risque de contracter la gale, qui est quand même une maladie de contamination. Oui, ça peut arriver. On a des cas avec vêtements laissés d'un vêtement qui a été porté et essayé par quelqu'un précédemment. Et alors, d'un point de vue purement chaleur et textile, qu'est-ce qu'on peut avoir? Des réactions d'irritation, parfois des petites réactions d'eczéma. D'accord. Et au cas où ça arrive, on retient que la fois d'après, il faut qu'on lave le vêtement avant de le porter. Mais on fait quoi une fois que ça arrive? On contacte son dermato? On contacte son dermatologue tout à fait pour déjà établir le lien et le diagnostic correct et surtout pour traiter et bien sûr que les vêtements devront être lavés à haute température par la suite. Alors, il faut faire un lavage particulier après? Bah, l'idéal quand même c'est de nettoyer toujours ce vêtement à haute température. Si on nettoie à 30 degrés, bah, évidemment que les fixateurs restent et tous les produits chimiques ne partent pas suffisamment bien. Ah oui, mais les fabricants de produits à lessive, ils nous disent, regardez, on peut laver pas à haute température, donc on fait quoi? Bah alors le problème, c'est qu'entre ce que les fabricants disent et la réalité sur le terrain pour nous les dermatos, c'est que nous on va recommander de faire des cycles qui sont pas économiques mais plutôt des cycles intensifs et rapides pour que l'eau soit beaucoup plus active et que ça rince beaucoup mieux les vêtements. Mmh. On conseille à nos patients de faire un double rinçage et on conseille également aux patients de laver les sous-vêtements en tout cas à 60 degrés, si ce n'est que pour les mycoses dans les tissus par exemple, dans les chaussettes, ou alors pour les autres vêtements à 40 degrés et pas moins. Sinon, il n'y a aucune efficacité à 30 degrés à cycle économique. Eh ben merci beaucoup Lara El-Layederi, pardon d'écorcher votre nom, pour vos explications. Je vous souhaite une excellente soirée, à très vite. Merci vous aussi, au revoir. Justement, cette chaleur, on en parle cet après-midi, il fait chaud, il fait très chaud. Est-ce que vous avez une astuce pour vous rafraîchir? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mieux après avoir fait un petit truc, votre truc à vous? Bah vous me le dites par SMS au 3063, par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Il y a Irène d'Anguien qui est avec moi. Bonsoir Irène. Oui, bonsoir. Ça va bien Irène? Pas trop chaud? Oui, non, je reste à l'intérieur comme ça. Bah, de toute façon Irène, on va pas se plaindre, on a assez râlé sur la pluie. Hein. C'est vrai. Vous avez quoi comme astuce? Ah ben, ce qu'on a dit là, c'est pas mal. Hein, l'eau sur le visage, l'essuie humide dans le cou. Ouais. Mais si vous mettez vos deux poignets, la face interne, donc où passent les veines, sous le robinet d'eau froide, et attendre une minute ou deux que le sang ait fait le tour du corps. Et ça va rafraîchir tout. Ah oui. Ah, c'est un peu comme un système de refroidissement dans les machines, quoi. C'est ça, on a le liquide qui passe à l'intérieur qui va nous rafraîchir. Vous faites ça régulièrement, vous, Irène? Ah oui. Voilà, oui, donc... parce que je ne supporte pas la chaleur, moi, malheureusement. Donc, c'est sûr, c'est confirmé, cette astuce-là fonctionne, Irène. Ah oui, et alors, niveau boisson, Irène, qu'est-ce que vous prenez? C'est quoi le truc qui vous désaltère? Il y a une boisson particulière? Vous êtes juste à l'eau ou il y a autre chose? Plus vous buvez du frais et plus vous transpirez. Donc, il vaut mieux boire une boisson tiède. Tiède, pas trop chaude, on va pas se faire un thé bouillant ou un café... Quand même pas. Ah ben, je pose la question, Irène, on sait jamais. Ouais. Parce que vous avez l'air de vous y connaître en chaleur. Je vais vous inviter à venir dans le studio de Vivacité pour régler notre problème de climatisation. Je vous le dis, Irène, nous avons une toute nouvelle climatisation qui a quelques semaines et il fait malgré tout 29 degrés dans le studio. Donc je pense tout a été bien installé. Mal réglé. Ah, bah, vous allez passer ici pour régler ça, d'accord, Irène? Là, je m'y connais pas. Ah, bah, vous viendrez passer nos poignets sous froide, alors. J'ai pitié de vous. Oh, faut pas. Irène, je vous embrasse, je vous fais des bisous, à bientôt. Merci pour votre émission, en tous les cas, avec c'est agréable. Avec plaisir, à bientôt, Irène. Merci d'être là. Voici tout de suite le cactus de Jérôme de Warzé. Jérôme, vous revenez donc sur la Belgique qui est en huitième de finale après un match homérique face aux Suédois. Mais parfaitement, Benjamin. Kiki, mission accomplie, nous sommes en huitième de finale. Oui, l'espoir retentissant ici, en 18e de finale, comme l'Irlande qu'on a battu 3-0 en 20 minutes, la Slovaquie qu'on ne sait même pas s'il y a des full check dedans, et l'Islande du Sud qui joue avec le tiers de ses habitants. Oui, bon, faut quand même pas oublier que cet Euro, c'est un peu comme la Champions League sans le standard, une compétition largement dévuée. Alors le travail est fait, c'est très bien, mais hier soir on jouait quand même contre des Playmobil qui sont juste bons qu'à bouffer les crises proches en transpirant dans des saunas. Je crois 452. Vous ne pouvez pas ramener les Suédois à ça, Kiki. Hein. Non, c'est vrai, ils sont aussi capables de gagner l'Eurovision une fois tous les 30 ans. Ibrahimovic a joué son dernier match pour la Suède. Tout gros euro d'Abramovic. Hein. Lui, il est arrivé comme le roi d'Angleterre, il repart comme le prince Laurent. Oui. Quel cirque. Hein. Monsieur, j'ai une queue de cheval que j'essaie de ressembler à Steven Seagal. Mais Steven Seagal, maintenant. Hein. Là, c'est sûr qu'il ne jouait pas comme tous les week-ends, comme contre en avant Guingamp ou par derrière Toulouse, monsieur les gens. Oui, bon, ouais. Heureusement, Nainggolan a débloqué la situation. Ah, c'est Nainggolan qui a marqué. Ah, oui. Non, mais il a tellement de tatouages à l'écran, dire un petit Dragon Ball animé qui s'est trompé de programme. Il était impressionnant, hein. Et tu sais que sur sa tête, il a une vraie scie circulaire, hein. C'est dangereux, c'est tout, hein. Il te découpe des portières de voiture sans faire trop d'efforts, hein. C'est du costaud, ça, hein. Moi, je le vois arriver la tête la première, je sais que je vais être si en 8, je m'écarte, hein. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il y avait 24 équipes au départ de l'Euro et qu'on se retrouve quasiment 26 en 8e de finale. Bon. Vous savez, il y a plus de petites équipes, hein. Voyez l'Irlande qui a battu l'Italie hier. Ouais, regarde surtout la compo de l'Italie, hein. Comme ils étaient déjà qualifiés, ils ont voulu faire plaisir à tout le monde dans la squadra. Résultat, t'avais le glacier dans les buts, deux joueurs de sérénade au milieu et les trois pizzaiolas du staff devant, qui étaient non seulement cramés au four, mais en plus en train de dormir au moulin. Bon. Devant, il faut jouer un type qui s'appelle Immobilier. Oui. Immobilier. Ils veulent pas non plus aligner Inactivo, Paralysie, Tétraplégica, rien à foutre. Enfin, note, nous on aligne bien Lukaku. Hein. Encore un tout grand match. Hein. Deux buts hier soir. Hein. Ça fait deux matchs sur trois, deux buts. T'imagines qu'il est devant en pointe et que le seul gardien dans son champ de vision, c'est Thibaut Courtois. Il a un rôle compliqué, il est fort tenu. Et puis, c'est son rôle, il libère l'espace. Il libère l'espace. C'est pas capitaine Flamme non plus, hein. Quand je pense que sur le bord des Belges croupit un joyau brut, Michy Batshuayi, taillé dans une des plus grandes bijouteries du monde par les orfèvres du football, donc c'est un pur produit du standard, pour ceux qui ne suivent pas le foot, et qu'il joue à Marseille, un des plus grands clubs de la Côte d'Azur, et on ne l'utilise pas. Je l'ai eu au téléphone hier, il est déçu, le Liégeois, oh là là, il ronge son frein à main, je l'entends encore dire avec son petit accent de Liège, oh peu cher, la race casse où il monte, il m'emboucale tellement que je ne sirote même plus le pastaga pendant la belote. Ça c'est de Liège, mais Liège... Oui, Liège côté sud, hein, bon, on fait rue d'Abaga, hein, droit que ce Bressoucherat. Bon, Marc Wilmot, ça son schéma tactique, donc il ne... Non, déjà on ne dit pas Marc Wilmot, ça son schéma, et encore après le match contre l'Italie, on dit juste Marc Wilmot, hein. D'accord. Après, sa tactique, c'est de faire croire qu'il a un schéma tactique. Parce que s'il y a bien un type qui s'y connaît en foot ici, c'est moi. Avec David, évidemment. Hein. Et je peux te dire que 6-4-2, ça commence à se voir. Hein. Bon, attention, on va gagner l'Euro quand même, forcément. Et quand on défilera sur les champs d'Alizé et qu'on couvrira la tour Eiffel de Devos Lemens en gueulant à table, les Français feront moins les malins avec leur équipe de fanfare que même le tirage au sort, tu l'as lu ça, oui. Les avaient tellement avantagés arithmétiquement que je crois qu'ils vont encore une fois rencontrer trois fois les Albanais avant d'arriver en finale. Voilà, on n'a rien compris de ce que vous avez dit pour la dernière phrase, mais c'est pas grave. Bon, maintenant, Léon Croix se dresse sur notre route. Ah, qui vient dimanche soir chez moi? Hongrie des saucisses. En parlant de saucisses, moi alors, j'ai vu leur match, héros Hongrois contre les Portoricains. Leur défense, c'est les héros du gazon, mais après après la troisième mi-temps. Ah bon? Attends, il joue avec Juas. Bah oui. Juas, il était libéro Anderlecht dans les années 80. Mais non. Et je crois qu'au bas de gauche, c'est son père. Tu rajoutes à ça qu'il s'alimente à la goulash et au chou farci. Moi, je prendrais même le risque de faire jouer Lukaku devant, c'est de dire. Écoutez, arrêtez avec Romelu maintenant. Non, non, non, Jordan, hein, Romelu. Ah, même contre les Hongrois, ne prenons pas ce risque. Hein. Si c'est 0-0 après nos prolongations, les pénaltys après, c'est la roulette prusse. Et puis en quart, on se tape les galeux. Ça, les galeux, formalité, paperasse et décrassage. Bon, il bon, y a Belle, hein, mais les mecs qui ont des queues de cheval, on a prouvé qu'on pouvait les mettre sous le peignoir. Hein. Bon. Et puis, il ne faut même pas se méfier d'eux. Hein. Des types qui font du fish steak et de chips. Franchement, je vais te dire, Poro, un peuple qui mange des aliments frits avec de la mayonnaise dessus, ça ne peut être que des gens sous-développés. Paris, on arrive. Allez, allez, on arrive. Eh ben voilà, c'est dit. Avec Martin Charlier, évidemment, ce matin. Et vous étiez en même temps en live sur la page Facebook de Vivacité. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Il fait un peu chaud aujourd'hui. Est-ce que ça va durer, Dominique? On va juste, ah voilà, on vous entend mieux. 17 à 20 degrés pour la nuit, donc on aura quand même bien chaud ce soir et cette nuit, avec des averses aussi qui vont gagner toutes les régions, toujours cette possibilité d'un coup de tonnerre. Demain, finalement, les averses vont stagner sur toutes les régions en perdant de l'intensité. Température 20 à 25 degrés maximum. Samedi et dimanche, on devrait connaître un temps progressivement sec et encore un peu moins chaud, 19, 22, 24. Ça va ça, voilà. On va passer un bon week-end, ça c'est bien. Merci Dominique. Bonjour, pompe 8 s'il vous plaît. Ok, ça nous fait un casque, une veste de cycliste et aussi un vélo trek. Waouh, c'est génial! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station Esso ou Esso Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur esso.be/fr/cycling, soumis à condition. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Le Royaume-Uni, à l'heure du choix, un scrutin historique sur le maintien ou non dans l'Union européenne et la nuit risque d'être longue et angoissante pour les pro-européens. Nouveau jour de grève nationale. Demain vendredi, tous les secteurs devraient être touchés. Grève à l'appel de la FGTB, ce sera la dernière avant les vacances. Nous irons à Bordeaux dans le journal des sports au lendemain de la qualification des Diables Rouges pour les huitièmes de finale de l'Euro. Leur prochain adversaire, la Hongrie, elle ne semble craindre personne. Le journal sur Vivacité avec Marianne Brillo. Bonsoir. Bonsoir à tous et tout d'abord les suites de cette prise d'otage dans un cinéma allemand. Prise d'otage qui est terminée. Cela s'est passé cet après-midi à Wirnheim, dans l'ouest du pays. Le suspect a été abattu. Alors est-ce qu'on sait s'il y a des victimes, Delphine Vreux? Non, aucun blessé n'est à déplorer, dit un porte-parole de la police, alors que les premières informations annonçaient entre 20 et 50 blessés. Ces personnes auraient plutôt été intoxiquées par les gaz lacrymogènes de la police. La télévision allemande a diffusé des images de policiers lourdement équipés prenant d'assaut le complexe Kinépolis. Le suspect s'y était retranché, masqué et armé. Selon certains médias, il portait une ceinture de cartouches autour de l'épaule. Il aurait tiré des coups de feu, 4 mais en l'air. L'assaillant se déplaçait dans le cinéma. Il donnait l'impression d'être perturbé, explique le ministre de l'Intérieur. Cet homme a donc été abattu. Aucune indication n'a été donnée sur son identité ou sur ses motivations. Merci Delphine. Delphine Vreux, ce soir, les autorités allemandes parlent d'un déséquilibré. To be or not to be en Europe? C'est la question à laquelle répondent les Britanniques depuis ce matin lors d'un référendum à l'issue très incertaine. On ne sait pas si c'est un signe, mais des orages se sont abattus sur Londres et de nombreuses régions cet après-midi. Des bureaux de vote ont même dû être fermés, certaines stations de métro aussi. Plus de 46 millions d'électeurs sont inscrits pour ce référendum, même s'il n'est pas contraignant. Des in, des out à la sortie d'un bureau de vote. C'est le jour le plus important de ces 20 dernières années pour le Royaume-Uni. D'un point de vue économique, un vote de sortie serait terrible. Voilà pourquoi j'ai voté pour rester. Je crois qu'il y a un manque de démocratie dans l'Union européenne et les décisions qui sont prises sont trop éloignées de la population. C'est pourquoi j'ai voté pour la sortie. Je pense que ce serait un désastre pour ce pays de sortir. L'Europe fait partie de notre vie. Non, je crois que nous devons prendre le risque. Et voter out est un risque qui en vaut la peine. Voilà pour ces électeurs à la sortie de bureau de vote à Londres. Il reste encore quelques heures aux électeurs britanniques pour se prononcer, puisque les derniers bureaux ferment à 23h. La participation, c'est un des enjeux importants de ce scrutin. Olivier Henrion, vous êtes notre envoyé spécial à Londres. Est-ce qu'en ce début de soirée, on a une idée de cette participation ? Alors pour l'instant non, il n'y a pas de chiffres sur la participation qui a encore été publiée. On doit juste se fier à l'observation devant les bureaux de vote. Et là où nous nous trouvons, dans le centre de Londres, les responsables de ce... vont parler aujourd'hui, ont conscience de l'enjeu du scrutin. Ils savent que c'est un vote qui va avoir des conséquences sur leur futur et pendant très longtemps. Le vote d'une vie, me disait tout à l'heure un jeune homme en sortant du bureau de vote. Avec des conséquences évidentes, bien sûr, sur l'avenir européen du pays, mais aussi sur le Royaume-Uni en tant que tel. On sait que les Écossais, par exemple, sont très europhiles et qu'ils vont voter sans doute pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Mais si le résultat final à l'échelle du pays est un Brexit, eh bien ces Écossais pourraient demander leur indépendance pour retourner dans l'Union européenne. Ce serait alors l'explosion du Royaume-Uni tel qu'on le connaît, et ça aussi, c'est un des enjeux qui trotte dans la tête des électeurs aujourd'hui. Olivier Henrion à Londres avec Jean-Marc Vierzé. Mohamed Abrini va pouvoir être extradé vers la France. Décision de la Chambre des mises en accusation de Bruxelles. Le belgo-marocain, 31 ans, l'homme au chapeau, le troisième homme vu en compagnie des deux kamikazes de Zaventem. Mohamed Abrini est aussi suspecté d'être impliqué dans les attentats de Paris. Sa détention a été prolongée et on ignore encore quand il sera remis aux autorités françaises. Demain sera un nouveau jour de grève nationale. Grève à l'appel de la FGTB, de son pendant flamand, de la CNE. Aussi, autant dire que tous les secteurs ou presque devraient être touchés, dans le privé, le public. Pas de manifestations, mais des piquets de grève, des services à l'arrêt dans les administrations, des entreprises, des perturbations dès ce soir, 22h à la SNCB. Les transports en commun TEX-TIP seront évidemment touchés par cette nouvelle grève contre les mesures d'économie du gouvernement. On attend également des blocages de centres commerciaux notamment. Alors, ce sera le dernier jour de grève générale, avant les vacances d'été, ce qui n'empêche pas certains petits indépendants d'être une nouvelle fois assermentés. C'est un peu malvenu, on va dire, oui. Surtout que les transports en commun font grève et ça, c'est très très mauvais pour nous. Déjà, c'est ouvert, nous ne faisons jamais grève. Maintenant, on verra comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'événements maintenant. En même temps, l'euro, la grève, les gens restent chez eux ou font leurs courses autrement, ou voilà, ils planifient leur journée différemment sans doute, oui. En général, il y a plus ou moins de monde un jour de grève ? En général, un peu plus. Vous êtes dans un café, hein ? Oui, tout à fait. Un peu plus, beaucoup plus ? Un petit peu plus. On va dire un petit 10%. Normalement, les gens viennent assez facilement, même si c'est grève ou pas. Chez le coiffeur, on y va, ça c'est sûr. Ils auront facile à se carrer, normalement, on va dire. Des témoignages recueillis à Mons par Delphine Vreux. Alerte jaune aux orages pour ce début de soirée, mais de fortes averses accompagnées de grêle pourraient encore s'abattre sur plusieurs régions ce soir et cette nuit. La chaleur qui provoque également des dégâts sur les routes, on en a parlé dans le 5 à 7. Des conducteurs ont été accidentés dans des soulèvements de chaussée cet après-midi sur la E40, notamment en région liégeoise, mais aussi sur la Nationale 4 dans le sud du pays. Un auteur à succès dans une petite bibliothèque de campagne, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et même si un Belge sur quatre ne lit pas, direction PEC près de Tournai, où la bibliothèque communale a accueilli aujourd'hui, cet après-midi, le français Éric-Emmanuel Schmitt, l'auteur du célèbre Oscar et la Dame Rose. Ses livres sont traduits dans une quarantaine de langues. Il vit chez nous à Bruxelles. Stéphanie Vendrek, c'était un véritable défi de l'amener dans cette petite commune. Cassandra Lepers et sa collègue Céline Rambaud n'en reviennent toujours pas. À force de rencontres, lors de séances de dédicaces, de courriers, de petites attentions, elles ont convaincu l'écrivain de leur rendre visite à la bibliothèque. À la base, c'était vraiment un challenge, mais on s'est vraiment prise vite au jeu. Et donc les lecteurs étaient derrière nous. Et c'est vrai que pendant 2 ans, souvent, quand est-ce qu'il vient ? Très simplement, accompagné de ses chiens, l'auteur s'est donc rendu au rendez-vous. Il a tout d'abord rencontré de très jeunes lecteurs qui ne constituent pas son public habituel. Est-ce que tu vas encore faire des livres pour les enfants ? En fait, tu sais, c'est plutôt vous qui êtes capable de lire des livres qui sont en fait pas pour les enfants. Bravo. Parce que moi, j'ai jamais pensé que j'écrivais pour les enfants. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Russie. Un écrivain, c'est une statue sur un socle. Voilà, il n'y a pas cette facilité d'abord que, qu'on a en Belgique, où tout le monde considère que son voisin est un être humain. Et la salle du conseil prévue pour la rencontre avec ses lecteurs adultes n'était d'ailleurs pas assez grande pour accueillir tous les fans. C'était un reportage de Stéphanie Vendrek avec Caroline Lanswert. Merci Marianne. Aujourd'hui, on fait le tour des astuces pour se rafraîchir. Vous faites quoi, vous, quand vous avez super chaud comme aujourd'hui, pour vous sentir mieux? Je file prendre une bonne douche. Ah bah, profitez-en bien. Bonne douche, Marianne. Il est 18h08. On part sur les routes avant le journal des sports. C'est le TBF Mobile Info avec Marjorie Bilot. Bonsoir. Oui, Cyril, bonsoir. Avec un accident grave tout d'abord sur le 40 Liège-Bruxelles à Bottersem, avec une circulation difficile en direction de la capitale. Il implique 5 véhicules. Voilà, alors du côté par contre de l'E411 Bruxelles-Namur, la chaussée vient d'être dégagée à Nils. Contre de l'E411 Bruxelles-Namur, la chaussée vient d'être dégagée à Nils. Puis on parle de soulèvement de chaussée depuis cet après-midi, c'est le cas sur la Nationale 4, encore à hauteur d'Arcin en voie de droite, kilomètre 108.1, et plus loin, une vingtaine de kilomètres plus loin, kilomètre 87, là la chaussée est carrément fermée à Sinep-Sous, ce qui engendre des embarras de circulation vers Bruxelles. Donc un conseil: évitez cette Nationale 4, empruntez plutôt le 411 si vous allez direction Bruxelles. Sur le 19, Bruxelles-Mons, accident à Ville-sur-Aisne vers Mons, juste avant la sortie Mons-Est numéro 48. Sur le ring, la situation est chargée mais habituelle. Waouh, super, je vais sur le toboggan et moi dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. Vivacité. Le journal des sports. C'est avec Jérôme Elguers et on va parler de Kevin De Bruyne qui fait le buzz au lendemain de la qualification des Diables pour les huitièmes de finale de l'Euro. Le Diable Rouge était au micro d'Olivier Gaspard, notre collègue de la TV, quelques minutes après la victoire face à la Suède. Et à chaud, il déclarait ceci. Kevin, on n'a pas encore vu le vrai niveau de la Belgique. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, on prend pas les couilles. Si on gagne, c'est ça. Les gens, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Nous, on a gagné les deux derniers matchs et je pense que c'était pas mal et ça, c'est le plus important. Si on gagne les quatre prochains matchs comme ça, tu vas dire quoi? Bravo. C'est ça. Je m'en bats et vous savez quoi, la déclaration claque et anime les conversations aujourd'hui. Pour en parler, on rejoint l'un de nos envoyés spéciaux à Bordeaux, au camp de base des Diables, Thierry Luters. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors Thierry, est-ce que cette phrase choc de De Bruyne fait aussi parler du côté de Bordeaux et faut-il suivre De Bruyne et privilégier le résultat plutôt que la qualité? Bah oui, cette phrase a fait le buzz, ça c'est sûr. Évidemment, elle est déclarée à chaud. On est un petit peu submergé par l'émotionnel. Je rappelle quand même que Kevin De Bruyne, ce n'est pas sa langue maternelle et il fait quand même l'effort de parler en français. Il avait déjà eu quelques déclarations choc auparavant. C'est son style. Il est comme ça, bruit de décoffrage. Il est cash. Sur le fond, évidemment, on peut disserter à l'infini. Et c'est vrai que l'essentiel dans un tournoi, c'était d'abord de sortir des poules et que si les Diables gagnent leurs quatre prochains matchs, ils seront champions d'Europe. Ce qui est possible, puisqu'ils sont dans la bonne partie du tableau. De l'autre côté, il y a quand même 5 anciens champions du monde, mais il est clair qu'il faudra quand même, et là on rejoint notre confrère Olivier Gaspard, élever un petit peu son niveau de jeu et précisément celui de De Bruyne également, parce que contre la Hongrie, on va partir favori dimanche soir à Toulouse, mais ce ne sera pas une partie de plaisir. Marc Wilmots vient de terminer sa conférence de presse à l'instant, il a déclaré d'ailleurs que tous les matchs sont compliqués dans cet Euro, et c'est vrai que c'est une considération assez globale sur l'ensemble des matchs de poule qui viennent de se terminer hier soir. Merci Thierry. Thierry Luters en direct de Bordeaux. Au lendemain de la qualification, les Diables viennent de débuter leur entraînement du jour. Et avant d'enfiler son short, Romelu Lukaku a répondu aux questions de Manuel Jousse. Lukaku juge son début de tournoi et fait son autocritique. Je grandis dans le tournoi. Je veux dire que je grandis, je m'améliore de match en match. Même si je n'ai pas marqué, j'ai quand même été encore présent dans la construction et j'ai quand même assez bien gardé le ballon pour le reste de l'équipe. Je sens que je commence à grandir vers mon top et il faut avoir une certaine évolution si on veut vraiment arriver le plus loin possible dans sa carrière. Il faut être autocritique Et c'est parti de l'ambition, parce que je sais que si je suis pas, si je fais pas l'effort pour m'améliorer tout seul, qui va le faire pour moi? Notre prochain adversaire en huitième de finale est relativement peu connu. Jérôme, que vaut cette équipe de Hongrie? Alors c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Les Hongrois ont impressionné dans un groupe F difficile et disputé avec le Portugal, l'Islande et l'Autriche. Du statut de petit poussé, les Hongrois sont passés à celui de révélation. La Hongrie a un plus beau palmarès que la Belgique. Deux finales de Coupe du Monde et trois titres olympiques notamment. C'était il y a longtemps, d'accord, dans les années 50-60. Mais le palmarès est là tout de même. L'équipe actuelle propose un football de type germanique, bien organisé, avec des joueurs majoritairement issus de leur championnat national. Un championnat qui s'est terminé fin avril. Les Hongrois ont donc eu le temps de souffler avant cet Euro. La mascotte de l'équipe, c'est le gardien Gabor Kirai, 40 ans. Impossible de le louper puisqu'il joue tous ses matchs avec un pantalon de jogging, style pyjama. Les Diables auront du répondant sur le terrain et les joueurs hongrois ne sont pas du tout impressionnés, à l'image du défenseur Adam Pinter. Je ne suis pas certain que la Belgique ait plus de chances que nous d'aller en quart de finale. Nous pouvons certainement leur poser des problèmes et même les éliminer. Nous avons déjà obtenu d'excellents résultats dans ce tournoi. Nous nous préparons maintenant pour la prochaine confrontation dans laquelle nous allons tout faire pour quitter la pelouse avec une victoire. Mais la Belgique a aussi une excellente équipe avec quelques stars. Le joueur hongrois Adam Pinter, traduit par David Bertrand. On passe en revue le reste de l'actualité sportive. Leicester, le champion d'Angleterre, conserve sa star. Jamie Vardy avait enflammé la Première Ligue la saison dernière. D'abord annoncé du côté d'Arsenal, Vardy va finalement rester à Leicester. Il a prolongé de 4 ans son contrat avec les Foxes. En cyclisme, l'équipe belge Lotto Soudal ira au Tour de France avec 3 coureurs belges. Jürgen Roulans, Jens de Buchereux et Thomas de Gendt. Comme prévu, pas de Maxime Montfort et de Tim Wellens. Lotto vise les victoires d'étape avec son sprinter André Greipel. Le français Tony Gallopin aura lui un rôle plus libre. Tennis, Victoria Azarenka ne disputera pas Wimbledon. Le genou de la Biélorusse est toujours aussi douloureux. Cette même blessure l'avait déjà contrainte à l'abandon au premier tour de Roland-Garros. Enfin, la Fédération internationale d'athlétisme, l'IAAF, ouvre une porte pour les athlètes russes. Ceux qui pourront apporter la preuve qu'ils n'ont pas été corrompus par le système russe de dopage pourront aller au jeu. Ils s'aligneront sous une couleur neutre et pas sous les couleurs de la Russie. Merci Jérôme pour ce journal des sports et je vous souhaite une bonne soirée. Ben vous aussi, à demain. Vous allez vous rafraîchir, vous allez faire quoi là avec cette chaleur? Je vais mettre d'abord la climatisation dans ma voiture, bien fort. Ouais. Ça c'est pas bien mais fort. Non, après c'est le rhume, l'angine. Il va sortir de la voiture, ouais. Il y aura le choc là. Faut y aller progressif, je vais mettre sur 21 degrés. Mettez le chauffage, comme ça quand vous sortirez vous aurez l'impression qu'il fait chaud. Je l'ai mis toute la journée le chauffage, donc là ça va. Merci Jérôme, à demain. Si vous avez des astuces d'ailleurs à propos de cette question, comment faire pour se rafraîchir quand il fait si chaud? Vous me le dites par SMS au 3063. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vivacité. 8h16, vous écoutez le 5 à 7 sur Vivacité et jusqu'à 19h, bah c'est pas terminé, on a encore plein de choses à faire, entre autres vous offrir des cadeaux. C'est la dernière fois que je vais vous poser la question ce soir, donc concentrez-vous bien si vous voulez repartir avec un magnifique panier avec des produits de la ferme. Il y a des bien bonnes choses chez nous et tout ça à l'occasion de l'opération Ferme Ouverte organisée par le ministère wallon de l'agriculture et la PACW. C'est ce week-end, les 25 et 26 juin de 10h à 18h. Il y a plus de 75 fermes qui vont vous ouvrir grandes leurs portes à cette occasion. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Les infos, vous les trouvez sur le www.apacw.be. Et maintenant, je vous pose cette question qui vous permet de repartir avec le cadeau. Durant 2 jours, ce week-end, pas moins de 75 fermes vont vous ouvrir leurs portes pour un moment de détente, de découverte et de quoi d'autre? De dégustation, d'expérimentation ou d'hibernation? Si vous avez une idée, vous m'envoyez la réponse par SMS. C'est au 60-03 que ça se passe pour 75 centimes. Le message, dans quelques secondes, quelques minutes, on saura qui repart avec tout ça. Donc restez bien dans le coin et jouez maintenant si vous voulez repartir avec tout ça. On parlera de la fête nationale du Québec aussi. Elle est fêtée ce soir à Bruxelles sur la place Fontenasse. C'est au Mouderlambic Fontenasse. On y reviendra tout à l'heure avec le délégué général du Québec à Bruxelles qui sera l'invité de ce 5 à 7. L'histoire de Voït avec Marc Toesca. On retrouve Pop Story tout à l'heure. Il y aura encore d'autres cadeaux avant 19h. Et puisque vous allez manger ce soir, vous allez manger quoi? Si vous ne le savez pas, peut-être une idée de recette avec, comme chaque jour, une lettre, une recette, le Dico Food de Candice Cotter qui arrive sur Vivacité. On va parler tout de suite de ce week-end JFO, les journées fermes ouvertes, c'est 25 et 26 juin. On va en parler avec Geoffroy Simonard, vous êtes porte-parole de la PACW et puis coordinateur des journées fermes ouvertes. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez vu, pour vous accueillir, on a mis plein d'animaux dans le studio. J'entends. Attendez, il y a du monde. Geoffroy, qu'est-ce que c'est ce week-end journées fermes ouvertes qui fête sa 20e année cette année? C'est un événement grand public, un événement qui est destiné principalement aux familles avec des jeunes enfants. En tout cas, c'est ceux qu'on retrouve le plus dans les fermes. C'est l'occasion de découvrir l'agriculture, de voir un petit peu comment se passe le quotidien des agriculteurs, d'apprendre les différents élevages qui existent en Wallonie, les différentes cultures, d'apprendre la diversité de l'agriculture. Donc c'est un moment de plaisir, mais aussi d'intelligence, de découverte, de pédagogie. En tout cas, on rentre, je pense, des journées fermes ouvertes avec le sourire, en plus avec la bonne sensation d'avoir appris des choses. Ben alors, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on passe régulièrement, peut-être en voiture, à pied, devant des fermes, sans savoir ce qui se passe derrière les portes, en fait. C'est l'occasion de découvrir quoi, les animaux, les machines, les produits, on va pouvoir vraiment voir tout, toucher à tout. Oui, en tout cas un maximum dans le respect des règles sanitaires. Bien sûr, évidemment. Oui. Mais oui, c'est vraiment l'occasion de visiter les coulisses dans l'ensemble et aussi de pouvoir apprécier la diversité de l'agriculture wallonne parce que on a cette richesse en Wallonie d'avoir une agriculture qui est non seulement extensive, l'inverse d'intensive, donc avec de la qualité d'abord avant d'avoir de la quantité. Mmh. Et puis on a aussi une grande diversité avec des élevages extrêmement variés. Ça va des classiques bovins, mais on a des élevages d'autruches, il y a des élevages d'escargots, parce qu'on les appelle aussi élevages, de canards, etc. Donc une grande variété en élevage et en culture, c'est aussi la même chose, avec entre autres le secteur dont on parle beaucoup pour l'instant. C'est ça que nous concevons les choses à la PACW. Et c'est comme ça qu'on essaie c'est dans ce sens-là qu'on essaie de motiver les agriculteurs. C'est un moment d'échange, de partage qui est vraiment important, qu'un certain nombre de visiteurs attendent chaque année avec impatience pour pouvoir découvrir de nouvelles fermes. Donc il y a vraiment cette dimension de partage, d'échange sur laquelle on insiste beaucoup. Si on a un enfant qui rêve de monter sur un tracteur, c'est quand même, il y a toujours ce petit rêve. Il y a des fermes qui vont proposer ça, par exemple? Ah oui, de nombreuses fermes permettent de faire des tours en tracteur, même certaines permettent, dans des conditions de sécurité évidemment respectées, de conduire un tracteur avec un adulte évidemment à côté, mais il y a des expériences assez uniques qu'on n'a pas l'occasion de vivre tous les jours. Faites-nous rêver, il y a quoi par exemple? Je ne sais pas, en termes de visites guidées, enfin ça c'est je dirais le classique, en termes d'ateliers, il y a des ateliers de fabrication de fromage par exemple, on peut participer à des ateliers de confection de salaison, voilà pour ce qui est plutôt la transformation. Après, il y a des expositions, il y a des conférences, etc. Mais on essaie quand même le plus souvent possible d'avoir des activités très concrètes pour montrer très pratiquement aux gens comment se passe l'agriculture pour éviter d'avoir des discours ex cathedra un petit peu théoriques. Ouais, ouais. On se déplace dans les fermes, c'est pour voir la réalité, pour voir toucher, pour voir sentir. Alors il y a une septantaine de fermes, plus de 70 qui participent à cette action. Toutes les infos, on les retrouve sur le www.apacw.be. Merci beaucoup Geoffroy et bon week-end, journée fermes ouvertes alors. Oui, merci, un grand merci, et pourquoi pas se croiser dans l'une ou l'autre. J'espère qu'il y a plein de monde, plein d'auditeurs de l'université qui feront ça ce week-end. En plus, vous avez du bol avec le temps quand même pour ce week-end, hein. Ça s'annonce pas trop mal. Hein. Nous l'avions réservé depuis longtemps, vous savez. Ah, c'est de votre faute alors, si vous avez mis tout le stock de pluie avant pour avoir beau temps ce week-end. Oui, il y a un moment, ça doit s'assécher là-haut. Mais c'est pas bête. Merci Geoffroy d'avoir fait ça, au moins on va passer un bon week-end. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors justement, toute cette semaine dans le 5 à 7, vous le savez, je vous offre des paniers avec des produits de la ferme issus de l'agriculture wallonne. Justement, j'avais une question que j'ai posée tout à l'heure. Il y a Christine qui a envoyé son message avec la réponse. Bonsoir Christine. Bonsoir. Vous êtes du côté de Peck, il y a une ferme à côté de chez vous? Oh, il y en a beaucoup. Vous avez déjà visité une de ces fermes? Oui, on a notamment été visiter l'élevage d'escargots à Quin. Ça c'est intéressant ça. Oui. Et vous les avez mangés après? J'aime bien. Ah oui, c'est mignon un escargot et puis c'est bon aussi, hein, c'est l'avantage. C'est bon, c'est très bon, oui. Il y a plein de gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui ont peur de ça, hein, mais bon, vous aimez et ça tombe bien d'avoir cette ferme à côté de chez vous. Alors là, je vais vous envoyer, Christine, un panier avec plein de produits de la ferme si vous me donnez la bonne réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure. C'est 25 et 26 juin, pendant deux jours, il n'y a pas moins de 75 fermes qui vont ouvrir leurs portes pour un moment de détente, de découverte et de quoi d'autre? De dégustation, d'expérimentation ou d'hibernation? De dégustation. Eh ben voilà, c'était facile aujourd'hui, c'est une bonne réponse. Christine, je vous envoie très vite ce panier garni avec plein de belles choses, plein de bons produits wallons de chez nous. Ça arrive chez vous à la maison. Je vous embrasse, à bientôt Christine. Un grand merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir. Il est 18h23. Et si justement, après avoir parlé de panier, de dégustation avec des bons produits, si on s'intéressait à ce qu'on va manger ce soir, voici une idée de recette, une lettre, une recette comme tous les jours. C'est le Dico Food avec Andy Scotter. Dico Food. Le Dico Food du 5 à 7. Hello Cyril, hello tout le monde. Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre R. On va travailler du rougail. Alors le rougail, c'est un plat typique de la cuisine mauricienne. Et ce qui est intéressant dans la cuisine mauricienne, dans la cuisine de l'île Maurice, c'est que on découvre le monde en un seul pays. Vous avez des influences hollandaises, françaises, anglaises, indiennes, chinoises, créoles. Tout ça qui vous fait un trésor culinaire absolument incomparable. Ça, c'est la cuisine mauricienne. On va se faire un rougail de crevettes à la coriandre. Le rougail, avec le curry, le vindaillé, c'est un des trois éléments principaux de l'assiette créole. Vous avez en fait comme une sorte de chutney qui se sert avec à peu près n'importe quoi. Crevettes, viande, poisson séché là-bas, énormément, du snook, de l'ourite, donc ça c'est du poulpe. Éventuellement même du bacon, c'est possible aussi. Ici on va se le faire au scampi parce que c'est vraiment un très très joli mariage. 600 g de scampi, 300 g de tomates fraîches et 400 g de tomates en conserve, ça c'est votre base. Il vous faut du gingembre, il vous faut des oignons, il vous faut un petit peu de thym, du persil frais, de la coriandre, du concentré de tomate et vous avez besoin d'ail, d'ail et redail et redail. Et de piment, parce qu'ici, il n'y a rien à faire, on veut un peu de feu. C'est quand même une cuisine exotique. Vous passez vos tomates fraîches à l'eau bouillante, vous en enlevez la peau, vous les coupez en morceaux. Vous faites chauffer deux petites cuillères à soupe d'huile d'olive dans une casserole. Quand elle est bien chaude, cette huile, vous ajoutez vos oignons, vous les faites revenir quelques minutes avant d'ajouter votre ail émincé, le gingembre, et vous allez leur donner un coup de chaud pendant 15 secondes. Vous incorporez après vos tomates fraîches, le thym, le piment, fendu dans sa longueur, épépiné, qu'on n'est quand même pas tous un ulcère, donc juste épépiné, fendu dans sa longueur, vous prolongez la cuisson 3 minutes, et reste à ce moment-là à verser la conserve de tomates et le concentré de tomates dans la casserole. Vous mélangez bien, vous couvrez, et vous allez laisser mijoter sur feu doux pendant une petite dizaine de minutes, que les saveurs puissent se concentrer. Reste à incorporer la coriandre, le persil, et vous mixez, parce qu'on ne veut pas l'herbe morceau là-dedans, on veut vraiment l'herbe qui devient sauce. On veut vraiment qu'elle puisse donner un maximum de sa saveur, cette herbe, et donc on lui donne un coup de mixeur pour qu'elle puisse vraiment se répandre partout dans cette sauce bien chaude. Vous faites cuire parallèlement vos scampi, donc vous écrasez une gousse d'ail sous la lame d'un couteau, vous enlevez la peau. Dans une sauteuse, vous versez 3 cuillères à soupe d'huile, vous y jetez la gousse, et vous faites chauffer légèrement avant d'y jeter vos scampi. Vous n'allez pas les cuire totalement, parce qu'on va les réchauffer dans la sauce et ils vont encore avoir un petit peu de cuisson. Et une surcuisson de scampi, c'est du scampi caoutchouteux, c'est berk. Vous n'allez pas les cuire totalement, parce qu'on va les réchauffer dans la sauce et ils vont encore avoir un petit peu de cuisson. Et une surcuisson de scampi, c'est du scampi caoutchouteux rosé. Vous les enlevez et vous les mettez dans le rougail et vous réchauffez le tout 4-5 minutes. Et vos voyages. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh, le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Pour moi, le match ne commence pas avec... Non, t'as raison, il ne commence pas non plus avec... Tout à fait d'accord. Il ne commence même pas avec... Quel merveilleux mouvement d'attaque en ce début. Non, pour moi, le match commence... avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi. Taste the feeling. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Offre d'été dans magasin Poincaré. Maintenant, bénéficiez de 25% de remise sur la collection été 2016 à l'achat de minimum 2 articles. Hors exception, prix rond et nouvelle collection. Un sol stratifié pas cher, vous pouvez en trouver n'importe où. Mouais. mais un sac stratifié de qualité à 6,25€. Vous ne le trouverez que chez Big Mat. 6,25€ au lieu de 8,95€, c'est déjà une belle promo. Mais si en plus on parle d'un sol stratifié système clic de 7 mm d'épaisseur, ça devient imbattable. Et dans différentes teintes en plus. Votre Big Mat doyen à Serein, rue du Charbonnage. Retrouvez cette promo imbattable. Et dans différentes teintes en plus. Votre Big Mat doyen à Serein, rue du Charbonnage. Retrouvez cette promo -doyen.be. Vivacité, la 1 et la 2 présentent les Total 24 Hours of Spa. Du 26 au 31 juillet, la plus grande course jetée au monde sur le plus beau circuit du monde. Des marques de prestige, un plateau de rêve, animation pour grands et petits, concert du samedi soir. Info et tickets 24hoursofspa.com. C'est beau donc c'est cher, les boilons sont feignants, les seniors sont dépassés. Ça te fait bondir, non? Si je te dis que chez Doravé c'est cher, ça devrait te faire le même effet. Ne te fie pas aux clichés, va vérifier. La vérité, c'est que chez Doravé, ils ont le sens du conseil, du service et du suivi client. Et c'est vraiment pas plus cher. Doravé, vente, installation et dépannage en électroménager. 5 boulevard Franquignoul à Liège, à deux pas de la Médiacité. Parking relax. La maison Doravé fait partie du groupe Sélection et ses 168 magasins en Belgique. Vivacité présente le village gaulois. Au son des cigales, une farandole de produits français et wallons à déguster dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Et cette année, une formule coûteuse et pas chère de lunch gaulois tous les midis. Le village gaulois, au cœur de Liège. Faisons la fête du 23 juin au 17 juillet. Il est l'heure d'en trouver les titres de l'actualité avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Ce fait divers dans un cinéma en Allemagne. La police a abattu un homme qui avait pris des personnes en otage à Wirnheim, entre Mannheim et Francfort. La télévision a diffusé des images montrant des policiers lourdement armés prenant d'assaut ce complexe de cinéma. Il n'y a pas de blessés selon la police. Plutôt des médias allemands avaient fait état de plusieurs dizaines de blessés, mais il s'agirait plutôt de personnes intoxiquées par les gaz lacrymogènes tirés par les policiers. Le ministre de l'Intérieur du Land de Hesse a parlé d'un individu déséquilibré. C'est aujourd'hui que les Britanniques s'expriment sur leur avenir. Un référendum pour le maintien ou non au sein de l'Union européenne. Les bureaux de vote fermeront à 22h ce soir. Les résultats sont attendus tard dans la nuit. Alors qu'il est impossible de dire quel camp va l'emporter, mais le niveau de participation aura sans doute un impact décisif. Plus il sera important, plus le vote en faveur du maintien aura des chances de l'emporter. Et puis cette grève chez nous demain, la FGTB appelle à une grève nationale dans les secteurs publics et privés pour protester contre les mesures d'économie du gouvernement Michel. En pratique, il faut s'attendre à de nombreuses perturbations dans les services publics, les administrations et les transports en commun. Dans le privé, des piquets de grève pourraient bloquer certaines entreprises. Et les programmes de la RTBF seront également perturbés demain. Merci Franck, à tout à l'heure 19h. Un petit point sur la météo tout de suite, Dominique. Avec des averses qui vont gagner toutes les régions. La nuit prochaine et toujours cette possibilité d'un coup de tonnerre. Minima très doux, 17 à 20 degrés. Demain, les averses vont stagner apparemment sur toutes les régions en perdant en intensité et les températures vont se tasser, diminuer un petit peu. Forcément, ça serait dur de faire un peu pire qu'aujourd'hui. Oui, que là, si ça fait 20 degrés à la mer, 21, 22 en Ardennes, 23, 24 dans le centre et jusqu'à 25 en Goum, c'est pas mal. Samedi, dimanche, on devrait connaître un temps progressivement sec avec un rien moins chaud encore, 19 à 22 samedi et encore quelques ondées possibles sur l'Est le matin, puis 20 à 24 degrés localement dimanche avec un temps totalement sec cette fois. Ah bah ça c'est bien, c'est un bon week-end qui s'annonce. Merci Dominique. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info. Marjorie Bilot, comment ça roule à 18h32? Pas bien, beaucoup d'endroits, on a plusieurs accidents. Le premier sur le 40, Bruxelles-Aix-la-Chapelle à hauteur de 1000 morts avec des bouchons depuis Recours, direction l'Allemagne. Sur le 40 Liège vers Bruxelles, accident grave à Bautersem avec 2 km de circulation quasi à l'arrêt, un quart d'heure perdu direction la capitale. Sur le 19, Bruxelles-Mons, accident à Ville-sur-Aisne avec des ralentissements depuis l'Heureux vers Mons. Accident grave sur la Nationale 98, Ligny-Mété à hauteur de Fos-la-Ville, kilomètre 16. Circulation quasi arrêt, là aussi, passage difficile vers Mété. Sur le ring de Bruxelles, la situation est chargée, néanmoins habituelle. Et puis, attention, soulèvement de chaussée, ça peut arriver un peu n'importe où suite aux fortes chaleurs subites. Par exemple, à Arcin, sur la Nationale 4, vers Bruxelles, voie de droite détériorée. Puis, à hauteur de Sinet, chaussée fermée suite à un soulèvement de chaussée à Pessous-Sinet. Ça engendre des embarras vers Bruxelles. Donc, évidemment, n'empruntez pas la Nationale 4 si vous allez vers Bruxelles. C'est un conseil. Prenez plutôt le 411. Et puis, on signale évidemment c'est des chutes de pluie en soirée, des épisodes orageux. Restez bien prudents. Waouh, super! Je vais sur le toboggan! Et moi, dans la piscine! Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7 avec Cyril. Dans un instant, on parle de la fête nationale du Québec. Ça se fête à Bruxelles ce soir, mais avant, cette chaleur quand même. Il fait très très chaud aujourd'hui. Et je vous demande, au 3063, si vous avez des astuces, si vous avez des petits trucs à vous pour vous rafraîchir quand il fait comme ça. Alors, il y a Vincent qui nous dit, pour se rafraîchir quand il fait très chaud, bah, une longue douche la plus chaude possible. Merci pour votre message, Vincent. Alors, autre petit truc, des glaçons saupoudrés de sel devant un ventilateur. Le dégel des glaçons va refroidir l'air et le sel ralentir le dégel des glaçons. Ah bah c'est technique, c'est scientifique, mais on va essayer. Trois glaçons dans une vodka délice avant qu'il pleuve. C'est Mick de Beaumont qui dit ça. Bah oui, bah attention à l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Et alors sinon, je mets du talc mentholé. C'est idéal pour les enfants. Dominique qui nous envoie ce message au 3063. Si vous avez d'autres astuces, quand il fait chaud comme ça, c'est pas qu'on se plaint. On est content quand même qu'il fasse chaud enfin. Mais si vous avez des trucs pour sentir mieux, pour se rafraîchir, 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. 5 à 7. Aujourd'hui, c'est la fête nationale du Québec. C'est fêté à Bruxelles, au Moudor Lambic Fontenas. Alors la fête, elle a commencé il y a 1h30, mais c'est loin d'être terminée. Donc si vous êtes dans le coin de Bruxelles, vous pouvez encore y aller. On va en parler avec Michel Audet. Vous êtes le délégué général du Québec à Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Oh, juste le bonsoir, il donne envie de voyager là. Oui, écoutez, venez, vous n'êtes pas obligé de traverser l'océan. Vous avez juste à faire quelques pas et une bouche de métro pour arriver à Place Fontenas. Ah bah, oui, il y a une grande fête pour le Québec. Alors justement, il y a quoi qui est organisé? Présentement, là, il y a un orchestre qu'on a formé de Belges et de Québécois qui chantent de la musique contemporaine et traditionnelle du Québec. Il y a des fournisseurs de produits alimentaires du terroir québécois. Il y a de la bière. On a des microbrasseurs qui viennent de différentes régions du Québec et ouais, qui viennent vendre leurs produits ici. La bière, je vous le dis, elle est presque aussi bonne que la bière belge. Ça vaut la peine. Ouh, attention à ce que vous dites, là. Hein? Mais j'ai dit presque aussi bonne. Presque aussi bonne. Alors, on a d'autres activités. On a de l'animation pour les enfants. Les gens sont ici pour fêter, pour fraterniser entre Belges et Québécois. Alors, vous parliez de produits gastronomiques québécois. Faites-nous rêver. Qu'est-ce que ce soir, on veut se faire un menu québécois. Il y a quoi? Qu'est-ce qui est servi? Je vous dirais, premièrement, il y a de la bière. on reste sur la bière. Hein? Deuxièmement, il y a des alcools à base d'érable. Ouais. Il y a des desserts à base d'érable et de petits fruits. Mm-hmm. Donc, en fait, au Canada, vous buvez et vous mangez du sucre, c'est ça? Du sucre. Mais attention, j'arrive avec le salé. Il y a aussi ce qu'on appelle de la poutine. Ah, c'est bon, et là, ça. Et là, on fait un crime de lèse-majesté à la frite belge. Ouais. Parce que chez nous, c'est un mélange de frites, de sauce unique et de fromage en grains que l'on appelle. Et on a réussi à avoir un fournisseur belge qui avait la recette québécoise et qui nous fournit un fromage. Ah, ça c'est top, parce que ça c'est pas évident à trouver ici, effectivement. Alors c'est vrai qu'en tant que belge, la première fois qu'on nous sert des frites avec cette sauce et ce fromage, on se dit qu'est-ce que c'est? Mais alors c'est une tuerie quand même. Ça va dans les fesses, mais qu'est-ce que c'est bon? Là, je vous dis ça avec une bonne bière, pas besoin de somnifère pour aller dormir. Ça c'est sûr, le temps de digérer, tout se passe bien. Dites, là c'est la fête nationale du Québec aujourd'hui, on l'a fête à Bruxelles. Donc au Moudor, Lambic, Fontenas, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin à aller y faire un tour. Mais cet été au Canada, si on y va, on peut faire quoi? Donnez-nous quelques bons plans pour les auditeurs qui prendraient l'avion jusqu'à chez vous. Ben écoutez, il y a premièrement toute une offre culturelle et artistique avec des festivals et des spectacles en plein air partout à Québec, en région, à Montréal. Il y a le festival de jazz qui commence très bientôt. Il y a le festival d'été de Québec les deux premières semaines du mois de juillet. Il y a des festivals d'art populaire. Il y a des festivals de musique classique. Il y en a pour tous les goûts et dans toutes les régions du Québec, il y a de quoi s'amuser, plus la grande nature que l'on offre, donc bien entendu le fleuve Saint-Laurent, les promenades, l'observation des baleines et les grands espaces. C'est un magnifique endroit à aller visiter au Québec. Il fait beau en plus au Québec. Ah bah justement, oui, c'est parce qu'on dit toujours au Canada, le Québec, il fait froid, mais l'été, il fait juste super chaud. Il fait beau. Nous, on importe l'été de tous les pays du nord de l'Europe. Ça. Vous avez un magnifique hiver, vous avez un magnifique été. Vous êtes bien placé. Michel, justement, s'il faut choisir une période pour aller au Canada, on choisit laquelle? Mais là, je vais vous donner une réponse politiquement correcte. Donc, n'importe quand, le Canada, c'est un beau pays. C'est beau, n'importe ça. N'importe quand, le Québec, c'est beau dans les quatre saisons. Et les gens, je vous dirais, vibrent culturellement aux quatre saisons du Québec. L'été, on est festif, l'hiver, on est chaleureux. Et entre les saisons, on se prépare. C'est bien dit, ça. Merci beaucoup, Michel Audet. Je rappelle que vous êtes le délégué général du Québec à Bruxelles et qu'il y a cette fête nationale du Québec fêtée au Moudeur Lambic Fontenas depuis tout à l'heure. Et ça va durer quoi? Jusque tard ce soir? Jusque tard ce soir, et quand ça sera fini, puis il va en avoir encore, je vous le promets. Et je vous remercie pour votre collaboration aussi. Bah avec plaisir, on aime le Québec, on aime le Canada. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fête, Michel Audet, à bientôt. Merci, au revoir, bye bye. Il est l'heure d'en retrouver tout de suite l'histoire de vos hits. Comme tous les soirs sur Vivacité, c'est Marc Touesca dans Pop Story. Pop Story. Pop Story. Marc Touesca. Légère, festive, gavée de synthétiseurs et du boum-boum des boîtes à rythme, on imaginait nos chansons fluo des années 80 ne durer que le temps d'une demi-saison et pourtant. Trois décennies plus tard, les revoilous qui dynamitent les soirées poussives et remplissent les dance floors dès les premières notes. Mieux encore, certaines adaptations les font à nous culminer tout en haut de nos hit parades. Récemment, Zaz revisitait tous les cris les SOS de Daniel Balavoine, sorti il y a tout juste 30 ans. Pop Story. Quand Gwen Stefani, la chanteuse la plus mode et glamour des années 90, retouche It's My Life, du groupe le plus bondissant et décalé de la décennie précédente, ça donne ce « Je touche It's My Life » du groupe le plus bondissant et décalé de la décennie précédente, ça donne ce « Je... » Tout aussi jubilatoire, cette version a un poil énervé d'Into the Groove de Madonna, enregistrée en 2003 par Superbus. Into the Groove, repris par une bande de jeunes gens modernes du début de ce siècle, ripolline sans trop le dénaturer, l'esprit fantasque de la Madonna des charts. En mode dance ou plus électrique, ce titre est vraiment du genre inoxydable. À 30 ans d'intervalle, une chanson peut être perçue tout à fait différemment. Par Emis Roussos en 89, on écrit sur les murs, malgré un joli succès dans notre tome national, n'était qu'un message lancé par un babacool invétéré. Aujourd'hui, Kids United lui offre une nouvelle jeunesse et reçoivent le soutien et l'agrément de l'UNICEF pour la protection de l'enfance. La chanson, elle, n'a pas pris une ride. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. D'où nous l'ont écrit, car dans la nuit tout s'efface. Et leurs traces. enregistré une première fois en 1989 par Demis Roussos, on retrouve On écrit sur les murs au sommet des charts en 2015 avec les Kids United. Pop Story, l'histoire des hits. Nata surfait l'immense vague et trébuchait sur un château de sable. Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. Europassistance.be, you live, we care. Alors, voilà la maison. Bah, l'électricité, je crois qu'il y en a. Le toit, bah, ils l'ont mis au-dessus. Le chauffage, ça, on croise les doigts. Vous la prenez ? Votre voiture non plus, vous ne la vendriez pas comme ça. En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour revendre votre voiture au meilleur prix. Conditions et concessionnaires participants sur checkupété.be. J'aime bien les bonnes choses dans nos campagnes, oui. Et comment ? D'ailleurs, dans nos campagnes, ils poussent plein de bonnes choses. Un petit. Ah, oui, monsieur Marc, comme nos bonnes fraises belges. Miam. Ah, ça, ce sont les meilleures. Elles sont tellement fondantes et sucrées. Et même leur prix est bien belge. Mais comment ça ? Eh ben, il est tout petit, comme les petits belges. Ben, comme toi, quoi. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, le ravier de 500 grammes de nos super fraises belges est à 1,99€. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Je suis en train de découvrir les conditions soldes des meubles Rigaud avisés. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les petites remises qu'ils vous préparent. Meubles Rigaud. Ah non, désolé, je peux pas vous en dire plus à la radio avant le 1er juillet. Mais peut-être qu'en passant avisé. Biofine de Pré, votre supermarché bio de la route du Condreau, fête déjà son premier anniversaire. Alors ce samedi 25 juin, on dresse un énorme chapiteau pour accueillir la foire du bio. Plus de 30 producteurs partenaires vous feront goûter plein de délicieuses choses. Et dans le magasin, c'est moins 10% sur tout. Allez hop, cadeau! Biofine. Biofine.be. Est-ce que vous êtes sur ce soir? Ce samedi, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. Vivacité et La Troie présente l'exposition En plein air à la Beauverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauverie.com. La Beauverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. Vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Montagne, mer ou forêt cette année? Avec Jaspers, l'exclusif Adria, plus besoin de choisir. À vous la liberté. Le matin, la montagne. L'après-midi, en forêt. Et les pieds dans l'eau en fin de soirée. Camping-car, motorhome, caravane, accessoires, tout pour des vacances rêvées. Jaspers, 178 chaussée de Bruxelles, au pied de la tour E40 à Aouen. Jaspers, 178 chaussée de Bruxelles, au pied de la tour E40 à Aouen. À 19h, vous avez rendez-vous avec Olivier Gillin, c'est le Tip Top, la quotidienne qui arrive. Retour sur le classement des Tip Top de samedi. Et puis c'est l'occasion de réécouter tous les morceaux que vous adorez en ce moment. Il y a un truc qui marche très fort, c'est Souffle. Mort de Souffle à écouter dès 19h sur Vivacité. Bougez pas, c'est dans 14 petites minutes. Le beau vélo de Ravel. Je vais vous offrir des cadeaux tout de suite en rapport avec le beau vélo de Ravel. Ça démarre ce week-end direction la Calamine. Vous allez pendant 13 semaines découvrir des magnifiques endroits partout en Belgique grâce au beau vélo de Ravel. Et Vivacité va vous emmener découvrir plein de sites touristiques. Et vous allez justement tout au long de ces semaines du beau vélo de Ravel, tous les jours sur Viva, repartir avec des cadeaux, avec l'occasion de découvrir des sites à visiter en Wallonie grâce à 365.be et le Ciné-Télé-Revue. Alors comment faire pour gagner tout ça? Et bien vous allez simplement devoir m'envoyer un petit SMS. Et qu'est-ce que vous allez gagner ce soir? C'est l'occasion de descendre la Lesse en kayak. Bah oui, ça c'est agréable de pouvoir, quand il fait beau comme ça, en plus quand il fait plein soleil, on est rafraîchi. Alors oui, il y a un petit côté effort, ça c'est vrai, mais c'est quand même pas désagréable d'aller faire du kayak. 4 entrées pour Kayak Les Remous à Amoire, c'est ce que je vous offre ce soir. Pour les remporter, ces 4 entrées, vous envoyez un message, vous envoyez le code RAVEL, R-A-V-E-L, par SMS au 60-03. Je vous souhaite bonne chance. Dans quelques minutes, on saura qui repart avec ses entrées pour aller faire du kayak. Les Remous à Amoire. Bonne chance à vous. Il y a quelques jours, quelques semaines dans l'émission, je vous avais posé une question qui concernait vos rêves. Quels étaient les rêves que vous aviez envie de réaliser? Et puis si on pouvait le faire, on les réalisait. Alors il y a justement Chloé à l'époque qui est passée à l'antenne et qui a dit bah, mon rêve c'est de travailler à la RTBF. Et Chloé, je lui avais dit en direct à la radio bah, viens déjà voir comment ça se passe, puis peut-être qu'après tu repartiras en courant. Comment ça va Chloé? Ça va bien. Alors ça va, toute l'équipe a été gentille avec toi aujourd'hui? Oui, ils sont très sympas. T'es venu voir comment se préparer l'émission. T'as vu que on travaillait pas beaucoup, hein. T'as vu qu'est-ce qu'on fait? On discute toute la journée, c'est ça que t'as vu, hein? Non, c'est bien. Elle a bien appris. On lui a dit, tu dis pas tout ce qu'on a vraiment fait. Chloé, t'aimerais devenir animatrice plus tard. Oui. Et donc c'est l'occasion pour toi de voir aujourd'hui comment ça se passe à la radio. Malgré ces quelques heures, t'as toujours envie de le faire? Oui. C'est quoi qui te fait rêver dans l'animation radio? C'est le contact avec les gens et pouvoir leur parler. Ah, c'est vrai que ça c'est chouette. Bah, par exemple, Chloé, tu vas faire la suite de l'émission avec moi. Il y a quelqu'un qui est au standard et qui va bientôt partir au Canada. C'est Freddy de Carnion. Bonsoir Freddy. Bonsoir. Freddy, je vous présente Chloé. Chloé, Freddy. Bonsoir. Freddy, ça vous irait si Chloé reprend l'émission? Elle fait ça bien, elle parle bien au micro. Hein. Très bien, très très bien, oui. Alors Chloé... Attention, elle va pouvoir vous supplanter. Bah, le problème, c'est que je pars en vacances en plus dans une semaine. Vous imaginez, je vais partir. Quand je reviens, c'est Chloé qui fera le 5 à 7. C'est possible, c'est le risque, hein. C'est le jeu. Freddy, vous allez partir au Canada. Ça fait combien de fois que vous allez là-bas? Ça va être juste la 17e fois en 10 ans. Enfin, depuis 2004, la 17e fois depuis 2004. Ah, c'est sympa ça quand même. Oui, hein. Ah, il y a pire. Et qu'est-ce qui fait que vous allez si souvent au Canada? C'est l'amour du pays. Évidemment, l'amour du pays, parce que enfin, le Québec est un pays en tant que tel. Pour moi maintenant, c'est la diversité des paysages, la diversité des gens surtout, et toute la diversité surtout des activités qu'on peut y faire. Ah ben alors et tout alors, à l'heure, nos amis proches. On parlait voilà. Justement de la fête nationale du Québec hein, qui se fête ce soir à Bruxelles. Ouais. Michel Audel, délégué général du Québec, nous parlait de quelques trucs qu'il y avait à faire là-bas, les choses à voir. Mais au niveau activité, comme vous, vous y connaissez, vous avez des conseils activité au Québec? Oui, tout à fait. Mais déjà, ce qu'on peut faire durant tout le mois de juillet, c'est assister aux feux d'artifice qui se tiennent toutes les semaines à côté du pont Jacques-Cartier, qui est une splendeur à voir avec les enfants, c'est très bien. Il y a énormément d'activités culturelles, évidemment, qui se passent à Montréal et en banlieue de Montréal. Et parfois, il faut peut-être pousser aussi à l'est, dans les cantons de l'est, du côté de Sherbrooke. Il y a des gorges à visiter qui sont illuminées la nuit et ainsi de suite. C'est vraiment... il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'activités locales. Et l'avantage, c'est qu'on vous accueille comme si vous faisiez partie du Québec, tout simplement, pour peu qu'on sorte des sentiers touristiques. Ah bah ça, donc c'est, vrai. c'est vraiment quelque chose à faire, et l'accueil des Québécois qui n'est pas une idée surfaite, c'est vraiment ça. Donc ça vaut vraiment le coup, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et à découvrir, et en plus découvrir le Québec par soi-même. Ah bah ça, c'est essentiel. On vous sent amoureux du Québec, vous allez un jour vous installer là-bas? Ça sera un rêve, oui, tout à fait. Ça sera un rêve d'y aller. Pourquoi pas? Je vous donnerai le numéro de Dan Gagnon. Vous savez qu'il retourne s'installer au Québec, même s'il reviendra régulièrement à la télé. On l'entend souvent sur Vivacité, on le voit sur la 2. J'espère, un bon humoriste. Voilà, il reviendra, même s'il va s'installer là-bas. Donc, il peut peut-être vous prendre avec lui. Ah, qui sait? Ah, je vous sens, c'est une bonne chose. Vous sens moyennement chaud de vivre avec Dan Gagnon au Québec. Ah oui. Freddy, je vous souhaite une bonne soirée, un beau voyage au Québec. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Alors, Chloé, qui coanime la fin de cette émission avec moi, c'est l'heure de retrouver les enfants de cœur. Donc, je te laisse faire. C'est comme si là, tu avais signé, tu avais vu le grand patron. Il a dit OK, je t'engage, Chloé, tu reprends le 5 à 7, on vire ce vieux Cyril. C'est à toi d'annoncer les enfants de cœur. Bah, tout de suite les enfants de cœur. Bah ouais, c'est pas mal, ça commence comme ça. Les enfants de cœur. Marc Courret, joli petit village ardennais situé à environ 300 mètres d'altitude, entouré par de jolies collines. D'ailleurs, en parlant de collines, excusez-moi de vous couper, mais vous n'allez jamais me croire, mais la semaine dernière, c'est vrai, j'étais en voyage en Suisse et j'ai rencontré Phil Collins. Phil Collins, ah, c'est... Je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis certain que lui aussi, d'ailleurs, il se souviendra de moi toute sa vie. Je lui ai fait une superbe blague en partant. On se salue et puis je lui dis « Allez, Phil Collins !» Je vous promets que c'est vrai. J'en ai fait une autre, je lui ai dit « On a tous en tête une chanson de Phil Collins, hein, comme par exemple la fameuse « Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur Phil Collins. »